Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une grosse émission qui s'en vient puis là qui commence bien drôlement parce que j'ai comme un Andrew qui vient de sortir comme ça du studio, une petite urgence. Donc on va vous parler, mesdames et messieurs. En fait, ben mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. Et là, il y a plein de monde en studio aujourd'hui. On va voir monsieur Julien Materne en deuxième heure d'émission, mais là, il est tout de suite en avant de moi. On va parler tout de suite. Salut Julien, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Certainement. Et là, on va parler de BD, de comic book, comme à notre habitude quand tu es là. Oui, ben. De quoi tu vas nous parler cette semaine? Cette semaine, je vais parler de Black Science, de Sex Criminal, d'Amalas Blade, d'un Daredevil de Frank Miller, parce okay. qu'il est connu pour autre chose que Batman et Sin City. Et 300. Kingdom Come. Et Marc Amé va peut-être intervenir pour me parler de son dernier comic qu'elle a lu, Black Canary et Zatanna de Tim. Paul Dini, excusez-moi, Joke in this. Donc, des BD qu'on connaît moins un peu. Là, on va être moins dans le super-héros connu ce soir. Mais on va vous parler de ça en deuxième heure d'émission. On va avoir Chantal Campagnan aussi, alias Fraulein Evil, en début d'émission, dès le retour d'Andrew, en fait. Après la première pause musicale, on va avoir Chantal qui va venir nous parler jeux. Cette semaine, on parle de jeux avec Chantal. On va parler de jeux estivaux, en fait. Donc, des petits jeux qui se transportent facilement en camping, sur un road trip. On va parler aussi des plateaux d'or qui ont lieu lors des journées ludiques la semaine passée et aussi d'un salon de jeu à Longueuil, je crois, là, qui s'en vient. On vous parle de ça avec Chantal également. Là, on a du monde en studio. On a monsieur Mathieu Galarneau du Peuple de Lévis. Salut. Salut, Mickaël. Ça va bien? Ça va bien? Super. Et toi? Ouais, oui. Puis on a Nicolas, qui a parlé un peu plus tôt à la station aujourd'hui dans Politigui, correct? Oui, ce midi, on a parlé de politique municipale à Lévis. Mais là, t'es à éviter de l'émission. Je suis nouvellement le chef de Renouveau Lévis, mais on parlera pas de ça ce soir. J'ai jasé avec toi, puis on a une passion commune là-dessus. Moi, je suis un grand fan de jeux d'ordinateur. Anciennement, j'ai été un joueur de jeux de rôle, de wargame, beaucoup des jeux de stratégie. Donc, t'es là en tant que gamer aujourd'hui. Exactement. C'est que tu pourras commenter tout au long de l'émission. En tout cas, le bout que tu vas être là, parce qu'il faut que tu partes, parce qu'il n'y a pas juste puissance maximale dans la vie. Et on a M. Andrew Castegan qui est là. Oui, éphémèrement. Donc, on avance. OK, c'est bon. Bon, voilà. Si tu veux qu'on starte le show, c'est là. Sinon, c'est dans une heure. OK, c'est bon. Donc, on va y aller, mesdames et messieurs, avec une première pause musicale pour se préparer à la venue de Mme Chantal Campagna par téléphone. Donc, on va aller en musique et on va commencer avec la toune. Puis là, ça va m'apparaître d'en face. Punch Out 8-Bit Mix de la gang de Adventures of Dwayne and Brando. On vous envoie ça dans vos oreilles. À puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9, Lévis. Going down, that's the name of the quelque chose, mon sang? Mettez plus de chapeau dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après Punch-Out 8-Bit Mix des Adventures of Dwayne and Brando. Puis là, on a Nicolas là, qui vient de s'improvise technicien à la console. C'est exact. Alors, vous me pardonnerez s'il y a quelque chose qui fonctionne pas rondement. Ça fait 15 ans que j'ai pas touché une console de son, mais... Mais là, ça va bien. Ça va bien. C'est bon. Là, donc, okay, vous avez deviné qu'on a un petit problème de notre côté. Rien de grave. Donc, du côté de Chantal, on va revenir un peu plus tard dans l'émission. On va en profiter pour parler avec M. Julien Materne. On parlait de BD tantôt en entrée d'émission. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, j'ai oublié de le faire en début, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. On vous invite à vous y rendre pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Et également, allez sur Facebook, Puissance Maximale, dans la barre de recherche, c'est très facile à trouver. Vous appuyez sur le bouton j'aime, tout d'abord parce qu'on vous aime, nous, mesdames et messieurs, mais aussi grâce à ça, vous allez pouvoir participer aux différents concours de l'émission. Il y en a un à chaque semaine pendant tout l'été. On fait tirer des petits goodies là, avec notre ami Pink Vivi. Donc là, le concours de la semaine passée est terminé. On va annoncer le ou la gagnante en fin d'émission. Et celui de cette semaine est lancé depuis cet après-midi. Puis là, cette semaine, on fait tirer. C'est des petits trucs de Spider-Man, je crois bien. Donc, signait des petits aimants pour le frigo, des autocollants. Donc, on fait tirer ça. Si vous voulez participer, vous tout simplement partagez l'image, suivez l'instruction qui est avec la description de l'image sur Facebook. Puis après ça, ben, vous êtes automatiquement inscrit ou inscrite. Et on vous annoncera le ou la gagnante la semaine prochaine. Mais pour le concours de la semaine passée, on fait ça en fin d'émission. Cette semaine. Monsieur Materne. Yes, Monsieur Michaud. Ça va bien. Bien, toi? Très bien. Et là, on va parler de comic books, comme on a dit tantôt, des comic books qui sortent un peu de la traditionnelle voie du super-héros. Ben, oui et non. Parce que j'en ai quand même deux de super-héros. Du super-héros moins connu, en tout cas. Oui. Je vais commencer par un comic. D'ailleurs, je pense que je t'ai envoyé justement les références pour pouvoir les voir sur le site parce que j'ai tout fait le travail fait. D'avance. Merci, Mme. Tout à fait. Donc, les gens auront la chance d'avoir les noms dans les prochaines secondes. Une raison d'être sur le groupe Facebook de Puissance Maximale pour avoir toute cette information-là rapidement lors des émissions. Vous pourrez aller acheter les comics si ça vous intéresse, ensuite à votre magasin de comics préféré. Dans mon cas, c'est le premier issue. Oui, premier issue à Québec. Oui. Dépendamment. J'aime beaucoup le TMM aussi, ça, je me ruine en figurine. Bon. Coûte cher avoir des passions comme ça. Ouais, mais ça se finance, bon, gars. Ben oui. on repassera sur un pétage de coche piratage un jour. Ah oui, tout à fait. Donc, je commence par Kingdom Come. C'est un comic de Justice League. Bizarrement, on compare super-héros commun, pas commun. C'est quand même un classique dans le genre. C'est par Mark Waid et Axel Ross. Dans le fond, c'est un peu le Watchmen de la Justice League. Ce qui se passe, c'est que les anciens super-héros ont été un peu mis de côté. Une nouvelle génération arrive. La nouvelle génération décide que mettre les méchants en prison pour qu'ils se sauvent 5 heures après, c'est peut-être un peu cave. Donc, ça se met à tuer à qui mieux. Les anciens super-héros, Batman, Superman et compagnie, se sentent pas très à l'aise là-dedans, donc se retirent. C'est-à-dire, Batman ne se retire jamais complètement étant Batman. Ben oui. Mais prend un peu il commence à tirer les ficelles un peu en arrière de sortir de jeunes super-héros. Et aussi, on a un Batman un peu dans cette série-là qui est un peu tout magané. Il se prend avec un exosquelette parce qu'il n'y a plus vraiment de joints qui tiennent. Donc, on est un peu à la Dark Knight Rise, mais il n'y a pas juste les genoux de scrap, il y a tout le reste. OK. Superman, lui, est à la retraite sur la forme de ses parents. Il devient le fermier le plus puissant de tout le Kansas. C'est clair. Il y a à peu près juste Wonder Woman qui fait encore quelque chose. Arrive une gaffe. Dans le fond, un des leaders de la nouvelle génération fait une connerie monumentale. Un nouveau petit Tchernobyl, plein de monde meurt. Un peu comme le début de Civil War à Marvel, mais ça date un peu plus loin. Donc, je pense que c'est plus Marvel qui s'est inspiré de Kingdom Come que d'autres choses. Okay. Et là, Superman est un peu forcé par Wonder Woman et les anciens de sortir de sa retraite. Alors que Batman, lui, ne veut pas parce que Batman n'a jamais vraiment été retraité. Non, c'est ça. Donc, ça en suit un peu une confrontation. La nouvelle génération et l'ancienne génération qui veut ramener l'ordre et l'ancienne méthode de faire, c'est que tu ne tues pas personne, tu les ramasses, tu leur mets des menottes, la justice des hommes en décidera. Qui on est pour décider pour la planète qui meurt, qui vit. La nouvelle génération qui fait comme non. Puis la gang qui sont entre les deux, comme Batman et compagnie, qui sont comme ça marchait bien pendant que je tirais celle par en arrière, pourquoi je suis pas train des deux groupes? Non, c'est ça. Moi, là, je suis en train de regarder ça. Un trait de dessin assez réaliste. Réaliste, un peu old school, un peu, je dirais, tu sais, on parle des vues posters de propagande des années 40-50, ça ressemble un peu dans ce style. Ouais. Donc, Superman, c'est beaucoup plus vieux. Il a des cheveux gris quand ça pointe. Ouais, les petites armes grises, ouais. Stamp grise, un Batman tout scrap, Wonder Woman n'a pas changé parce que c'est une DS, fait que pourquoi changer? On a même une image avec un Superman qui a une ponytail. Oh et non, il est pas décor. C'est comme je dis, le fermier le plus puissant de tout le Kansas. Ah non, c'est ça, c'est là, clair, c'est son vraiment, petit côté c'est littéralement Redneck, le fermier le plus puissant de tout le Kansas. Donc, s'ensuit une série de péripéties qui mènent, dans le fond, au retour au statu quo des bonnes vieilles années. Superman engage sa gang, dans le fond, prend tous les nouveaux, les prend un peu son aile à la fin en comprenant que c'est pas en se tapochant sur la tête qu'on va avoir des résultats. Donc, c'est un peu ça pour Kingdom Come. Très classique, très, très straightforward, mais assez intéressant. Ensuite, on connaît beaucoup Frank Miller pour Sin City, on connaît beaucoup pour beaucoup de choses comme Batman Dark Knight. Oh oui. Il y a eu une run assez limitée chez Marvel quand même, aussi avant ou pendant. Il a fait du Daredevil. C'est un peu l'homme à qui on doit la résurgence de Daredevil, qui a été créé un peu par Kirby et par Stan Lee, mais qui n'allait jamais vraiment levé. Ça a été toujours... Il est considéré comme trop proche de Spider-Man pour que Marvel s'y donne un plus grand rôle. Donc... J'avoue que c'est pas un héros dont on entend souvent parler dans les... Il est à New York, il fait des cascades, il spawn contre les mêmes méchants que Spider-Man. Donc, à un certain moment donné, on en vient à considérer que, dans le fond, c'est pratiquement du pareil au même à plus petite échelle. Frank Miller, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené un côté un peu plus dark, un peu à la Batman, qui a fait que Dark Knight Rise, comme Dark Knight, pas Rise, comme Dark Knight Return, Dark Knight... Strikes Again. Oui. C'est un côté un peu plus noir, un peu plus détective. Okay. Un peu plus fond d'aller, film noir. Là, je vais parler de Daredevil Born Again. Dans le fond, aussi que on a un Daredevil qui touche le... On sait tous que Daredevil, à la base, et c'est Matt Murdock, c'est un avocat. Oui. L'avocat le plus aveugle de tout New York. Ben, effectivement. Qui, avec son sens radar, se promène à gauche et à droite. Et il peut être Daredevil. Là où c'est que, dans le fond, ça devient intéressant, c'est que là, il touche le fond du baril. Le Kingpin finit par se tanner. OK. Il peut pas vraiment stanner de Spider-Man, peut pas faire en faire perdre la job de Spider-Man parce que personne sait qui est Spider-Man, peut pas en faire perdre la job d'aucun autre Avenger parce qu'il va se faire tapocher par le Hulk. Matt Murdock est pas mal l'honneur, qui est pas mal le seul, puis qui est pas mal le gars qui envoie tous ses gars en prison en les arrêtant et en même temps l'avocat qui va les mettre en dedans. Ah, mais c'est un bon combo, ça. C'est un beau combo, ça. C'est ça. Donc, décide de faire fermer sa shop d'avocat, de faire accuser de plusieurs crimes reliés au barreau. Okay. Donc, il n'y a plus de job, il n'y a plus de maison, il fait faillite, plus rien. Donc, on a le gars qui se demande pourquoi je suis Daredevil, ça m'a mené à ça. Ben, c'est intéressant, ce point de vue-là, parce que souvent, dans les, justement, le super-héros s'en tire tout le temps bien. Ouais, malgré le fait qu'ils ont une double identité, ils réussissent toujours à la cacher. Puis, souvent, quand un méchant la découvre, ben, il n'y a pas tant de conséquences que ça. À la limite, quelqu'un mange une volée quelque part, mais là, c'est pas trop grave. Non, c'est ça. On dirait que le trait de crayon, il est moins sombre que dans le précédent qu'on a vu, Kingdom Come. Hein? Oui, pas mal moins. Ça, c'est vraiment c'est plus rétro school, un hein? peu. C'est 1980 à rappeler, il veut ses couleurs. Là. Mm-hmm. Oh, oui, non, c'est ça. L'impression est un peu moins perfectionnée. Mais oui, mais dans le propos, c'est très dark, c'est très film noir, très film de disque des années 30-40. Mm-hmm. Vraiment, tu sais, il n'y a rien qui va bien. Jusqu'à, le titre, c'est Born Again, jusqu'à la rédemption de Daredevil qui fait hoppie de la chenoute, je vais aller péter la gueule au Kingpin. Arrivera ce qu'arrivera, je suis Daredevil. Il est au pied du mur. Pour le pire, c'est ça. Il a tellement poussé à fond que ça a comme empiré le cas au lieu de l'améliorer. Fait que Kingpin, il apprend du fond que s'il pose quelqu'un un peu trop loin, il va finir par s'en foutre. Quand t'as plus rien à perdre, parce qu'il redécouvre à travers ça, vu que Frank Miller, on dit pas que c'était un. À mettre un right-wing nuts, à des choses, ses petites tendances conservatrices de droite, bon, Daredevil redécouvre la religion, redécouvre le American Way, le rêve américain. Donc, let's go, j'ai plus rien à perdre, je vais aller casser du Kingpin. Ben, c'est le fun aussi de voir les super-héros arriver à ce point-là, justement, à être acculé au pied du mur. Mais Miller est un des premiers à faire ça, je dirais. À part Alan Moore, qui est son pendant de gauche, je dirais, ces deux gars-là, ça ne s'entendent absolument pas. Non, c'est de la même ça. Époque, de la même école. Parce que Frank Miller... C'est un phénomène en dehors des BD. Ah, lisez son blog, vous allez voir des... C'est quelque chose. Même en fait, je dirais aux gens, évitez peut-être le blog de Miller, lisez ses BD, puis oubliez la personne. Souvenir, puis évitez à tout prix Holy Terror. Ça, je ne le dirais jamais assez, son dernier comic qu'il a fait, à éviter à tout prix. Ouais, mais ça, il y a bien des gens maintenant qui connaissent le bonhomme qui est Frank Miller, ils font de l'interprétation politique de ses comic books, et des fois, entre autres, 300. Pour bien des gens qui seraient peut-être un pamphlet anti-islamiste Moi, j'aime bien l'interprétation qui est faite du mythe, ayant étudié dans ce domaine-là à l'université. Mais l'analyser dans ce coin-là, j'avoue que ça peut être un peu épeurant. Mais bon, c'est tellement... En tout cas, quand tu connais pas Miller, tu fais « bah, ça passe quand même assez bien. » Mais pas, Born Again est dans les bonnes années de Miller. Dans les mauvaises années, tu as les dernières, tu as Early Terror, qui était un concept qui avait fait pour Batman à l'époque, après le 11 septembre, qui était allé pitcher à DC, dire que « OK, Batman, ça va le tuer du terroriste en Irak. » Ah oui, ça fait tellement que Batman... Tu sais que DC a fait comme Frank, non. Non, c'est ça. Reste à la maison, prends un thé, calme-toi. On en reparlera plus tard. Puis, il a dit, publié lui-même avec un personnage qui est habillé en rouge, mais qui est en dehors de ça, une confondre de Batman. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y a pas eu de poursuite et l'histoire est absolument exécrablement mauvaise. Ah, en plus, c'est pas, c'était même pas bon de base. C'est comme genre, c'est un coup de tête de Frank Miller qui est parti, qui n'a pas pris ses pilules ce journée-là, apparemment. Désolé, Frank, si tu nous écoutes. Je ne crois pas. Non, non. À tout hasard. Mais ça pour dire que c'est des bonnes années. C'est Frank Miller des bonnes années. Okay. C'est noir, il fait pas beau, tout va mal. C'est des personnes qui ont jamais lu Daredevil. Ce serait là. C'est une bonne façon d'en commencer. On n'est pas trop mêlés. Je pense qu'on est dans le Golden Age, dans la bonne époque de Daredevil, parce que il s'en est fait des bons Daredevil dernièrement, mais je pense que ça n'a jamais été à ce niveau de ce que Frank Miller a fait avec le personnage. Mais non, c'est ça. Ça fait que les gens qui ne connaissent pas du tout Daredevil peuvent arriver là, ils ne seront pas perdus. Non, non, du tout. Okay, non, non, excellent. On a comme super-héros arrive, se fait démolir sa réputation, sa vie. Je le déteste pas comme un super-héros Daredevil. J'avoue que effectivement, avec ses sens aiguisés, puis ça, il est acrobate. Ben, il est pas invulnérable. Un homme, en dehors du fait que ses sens sont aiguisés puis qu'il voit en trois dimensions. Non, il y a un sens radar. C'est ça. Tu peux facilement le buter. Ouais, je peux voir un peu les gens qui disent qu'il y a des accointances avec Spider-Man pour l'agilité, les réflexes et tout, mais effectivement, c'est pas un surhomme comme Spider-Man. Non, il ira pas se battre contre Hulk, là. Non, tout à fait. Ça fait que si vous voulez avoir peut-être un personnage plus humain, ben Daredevil, c'est aussi une belle avenue. Parce que bien des gens, on parlait de Superman tantôt, c'est les premiers amours de pas mal de monde dans le mode du comic book. Il y a bien du monde qui ont décroché. Puis en plus, récemment, j'ai regardé des vidéos sur Internet là, qui parlaient justement de Superman puis de tous les pouvoirs qu'il a au fil des années. Puis effectivement, c'en est même étourdissant à quel point ce personnage-là est fort. Mais c'est le premier super-héros. Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Tu peux pas passer à côté. Il a tous les pouvoirs parce que c'est Superman. Mais à la limite, à ça, ils l'ont limité depuis quelques années aussi. Il y a des règles bien strictes sur Superman. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas faire, parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Mais je pense qu'au retour, après la mort de Superman, qui a été tué par la créature Doomsday, je pense que son retour... Il n'est pas mort, il est en hibernation. Ouais, en hibernation. Oui, c'est ça, DC. J'ai pas DC. J'avais pas trop lu... j'avais lu la mort de Superman, j'avais pas lu la suite, je sais qu'il y avait des personnages qui ont comme popé. Relais, puis ça a pas vendu du tout, donc ils sont tournés. Non, c'est ça. Il y avait comme eu un Superboy, il y avait le Man of Steel. Il y avait Man of Steel qui a fait un très mauvais film avec Shaquille O'Neal d'ailleurs. Oh mon Dieu, que je me rappelais pas de ça, puis t'étais pas obligé de me le rappeler. Oh mon Dieu, Man of Steel. Ah ben oui, t'as bien raison. De Shaq. Ah, diantre. Pourquoi tu m'as rappelé ça? Je me sens pas bien tout d'un coup. Ok, oui, ok. Oui, il y avait le Kryptonien aussi, mais je pense que c'est grâce à lui. Superboy aussi. Ouais, il y avait le Cyborg qui était evil, je pense. Ouais. Wow. Mais bref, tout ça pour dire que Superman a bien changé depuis ce temps-là. Puis quelqu'un qui veut quelque chose d'humain, on se tourne vers Daredevil. Alors ça, je vais tomber dans le, je dirais, un peu plus comique indépendant adulte. Okay. Ben, adulte, c'est relatif. Là. Pour l'avoir lu, c'est après l'équivalent de Bluey, pas débarré. Là. Ok. C'est Sex Criminal, qui est un nouveau comic qui a fait beaucoup de vagues quand c'est sorti, un peu comme Punk Rock Jesus, dans le fond. Mais je sais que Punk Rock Jesus, à l'époque, quand je n'avais parlé, a fait beaucoup plus de vagues pour plus, parce que c'était vraiment un comic qui faisait réfléchir. Tandis que Sex Criminal, c'est pas un comic qui fait réfléchir à la sexualité. C'est un comic qui, le concept est juste rafraîchissant. Okay. Je le lis, je suis comme, il n'y a rien de super hot là-dedans, mais c'est comme, ah, ça fait du bien de lire des choses genre. Donc, dans le fond, c'est l'histoire de deux personnes qui se rendent compte qu'en ayant du sexe, ben, ils arrêtent le temps. OK. Puis, qu'est-ce qu'ils font avec ce talent, entre guillemets-là? C'est ça. Ben, pourquoi on volerait pas des banques? Why not? Fait qu'ils se mettent à coucher partout, là, après, pour arrêter le temps où c'est qu'ils vont. Mais comment ils font pour recommencer le temps après? Ah, ils arrêtent après un certain temps. OK. Ben, après certaines périodes de temps, ça, ils timent. Fait qu'il faut tout qu'ils timent leurs affaires. Où c'est qu'ils vont le faire, comment ils vont le faire pour que ça passe, parce que maintenant, tu peux pas faire l'amour devant tout le monde non plus sans que ça paraisse pas. Fait que quelle toilette est proche, on fait ça dans le char. Ah mon Dieu. Ah mais je trouve ça quand même drôle comme concept. Le concept est drôle, c'est rafraîchissant. Je sais pas si je vais en lire 40 volumes, mais le premier volume a quand même été nominé au Eisner pour une couple de trucs. Le dessin est assez intéressant. Je dirais que le concept est intelligent, dans le sens du fait que c'est rafraîchissant, c'est bien pensé. Mais de là à dire que c'est la découverte du siècle, oui puis non, c'est pas le fil à couper le beurre. Mais là, comme tu dis, il n'y a pas d'explicite là-dedans. Non, c'est comme si c'est l'équivalent de... Tu sais, c'est très, très sous-entendu, où quand il y a de quoi qui se passe, c'est comme... Il y a des couvertes en masse par-dessus. Puis je sens que le genre de dessin, en tout cas, je vais vous le passer, là, vous allez voir que c'est pas... on n'est pas vraiment pas dans la BD pour adultes. Non, c'est pas pornographique du tout. C'est ça, pas du tout. Là. Vous pouvez regarder le dessin, mais d'ailleurs, bonjour les amis. Salut Andrew, bienvenue. Et je vais dire la chose suivante. Avoue que tu l'as acheté parce qu'il y avait le mot sexe. Ouais, tout à fait, moi. Ça fait vendre. C'est pas du tout les nominations à Eisner qui m'ont fait dire. Non, toi, c'était le mot sexe. Je vais prendre ça. J'ai vu sexe dessus. Mais j'avoue que c'est bien pensé, puis j'aime bien le dessin, en tout cas. C'est non. Puis en plus, là, pas long, je t'enverrai le lien, en fait. Si vous allez sur tout.tv, il y a un petit documentaire vraiment intéressant sur le sexe dans les comics, dans la BD. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est comme ça, c'est Sex in the Comics. C'est comme ça que ça s'appelle. Avant, quand on parlait l'autre jour du Comic Book Day, mais du Comic Book Code. Oui. Que le sexe dans les comics aux États-Unis, c'est quelque chose de relativement récent. À part les années 60, la quelconque culture hippie. Là. Oh non, c'est ça. Il y a eu une vague à un moment donné, mais c'était pas dans les majeurs, puis c'était absolument pas distribué. Ça parle pas vraiment, le documentaire parle pas vraiment de comics en tant que tel, mais de la BD en général mondiale. Donc, si ça vous intéresse, le moindrement, vu qu'on en parle avec ce titre-là, allez voir ça sur tout.tv, c'est un bon petit documentaire d'une heure à peu près. Donc, ouais, c'est une belle suggestion, ça, Julien, excuse-moi. C'est toujours surprenant, hein, qu'est-ce qui sort des fois. Non, mais c'est toujours intéressant, surtout, on sort des sentiers battus. Quand on creuse un peu dans le comic, là, il y a vraiment moyen de trouver des trucs intéressants. Il n'y a pas que du super-héros. Oui, effectivement. Surtout que le comic aussi... Et pas juste des filles cute qui font une greluche un peu niaiseuse. Non, mais ça, je dirais dans toute la BD occidentale, même orientale, bonjour le manga, je te regarde de travers, là. Ouais, il y en a beaucoup. On est pas beaucoup gagné mieux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de ça non plus, mais il y en a pas mal. Mais c'est un archétype, là. Tu peux pas passer à côté de l'héroïne, c'est ça, la plantureuse héroïne. Non, c'est ça. On va le dire demain. Oh non, j'ai échappé mon crayon. Non, c'est ça. C'est quoi ton autre comic, le monsieur? Le prochain, c'est Amalas Blade. C'est une découverte que j'ai faite. Je suis tombé là-dessus comme ça. Un petit mardi après-midi. Tu m'as dit après-midi au Main Comic, j'ai vu ça. C'est Dark Horse qui sort ça. C'est un petit comic, encore une fois, comme un trip d'auteur. Okay. De ce que j'en lisais. Moi, j'aime ça, les trips d'auteur. On parle, c'est, en fond, ça suit un assassin qui s'appelle Amalas, qui est dans un royaume où c'est que t'as deux clans, le clan qui est plus pro-technologie puis le clan qui est plus pro-technologie. On parle d'un monde médiéval fantastique, là, où un peu passé le médiéval, parce que la technologie embarque là-dedans. On a comme un petit look... Avatar, semi-steampunk. Ça fait steampunk un peu. Pas mal, en fait. Je viens de voir un tank, là, puis là, le look est carrément steampunk. C'est très, très... c'est très sympathique. C'est pas compliqué, dans le fond. Elle se ramasse à faire des contrats. Elle se rend compte, à un moment donné, qu'il y en a plus qu'elle pense, parse que ses parents, qu'elle n'a pas vraiment connus, elle se rend compte qu'il était un peu plus haut gradé avant la guerre qu'elle pensait. Elle se rend compte qu'en fond, elle était beaucoup utilisée depuis son enfance à des fins politiques ou des fins... au niveau de son entraînement d'assassin quand elle s'enfuit. Puis à la fin, ben, elle confronte tout ça. Il y a l'histoire, parce que je ne veux pas lâcher le punch non plus, l'histoire de la peau, ça confronte un peu tout ça. Je connais pas tant le comic book, mais ça fait style plus européen. C'est beaucoup plus européen. J'ai pensé, là, plus quelques années, je lisais L'Enfeuse de Troie, où ça ressemble un peu. C'est dans la lignée de. Dans le dessin. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'il y ait un peu de britannique là, dans ce que vous dire. Le comic book, on parle beaucoup des Américains, mais c'est aussi un phénomène britannique. Ouais, hein. Comme disait Alan Moore, c'est un britannique. Les années 80, il y a une grosse vague d'auteurs britanniques qui ont été amenés aux États-Unis, puis qui ont fait leur carrière là, mais ça veut dire qu'il y a aussi une vague d'auteurs britanniques qui est encore là, puis qui a évolué à partir de ça. Fait que, ils sont très, très dans le phénomène comic book. Les Britanniques ne sont pas à négliger. Mais non, ça va faire ça donne influence. Non, ça donne un bon, ça. Amalas Blade, c'est à surveiller, en fait. Ouais, c'est vu que c'est un trip d'auteur, ça sort par compte-gouttes. Ouais, je suis comme ignoré, dans le fond. Totalement. T'es roux. Ça s'en va vers Mathieu, mais ça vient pas non, vers moi. Non, c'est ça. T'étais on pas passera à pile après. Ouais, c'est ça, pendant que je parlais avec Chantal tantôt. Ouais, alors, Amalas Blade, excellente suggestion. Le petit dernier, ça, si Marie-Camille va en ajouter, si on a encore un peu de temps pour de parler de ce qu'elle avait sorti, c'est Black Science. C'est une autre petite surprise que sur laquelle je suis tombé, qui est aussi un trip d'auteur. On parle de Rick Remender qui fait Fear Agent, Uncanny X-Men, Uncanny X-Force, Meteo Scarlet qui fait Secret Avenger, Dead Body, Dane White, Uncanny X-Force, Captain America. Bref, ici là-dedans, ils ont travaillé dans moi qui est un tripeux d'Iron Man, qui a mis la partie Invincible Iron Man, aussi, qui c'est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus aussi que ton histoire qui n'était pas un extraterrestre. dans le fond, j'ai adoré parce que ça traite dans le fond, c'est un trip de Pulp Fiction des années 60-50, aussi qu'on prend un fondement scientifique puis on se garoche là-dedans. C'est un peu comme les vieilles science-fiction pulp, là, t'avais Flash Gordon, des affaires de même. Là. Oh, on est dans ce lignée-là. Ceux qui ont connu Slider, la série Slider, on est dans le même propos. Ah, t'arrêtes pas de me rappeler des souvenirs que j'étais pas nécessairement. Mais après à te rappeler. Mais Slider, c'est pas mauvais, soit dit en passant. Mais bon, ça a tourné en rond beaucoup. Ce qui arrive, dans le fond, c'est qu'il y a un scientifique qui, de toute façon, pour. Dans le fond, il étudie la physique quantique. Dans la physique quantique, on sait qu'il y a une théorie qui dit qu'à chaque choix que tu fais, tu crées un univers parallèle. Oh oui. Donc, lui, il invente une machine, il dit, bon, si notre planète est rendue à ce point-là, puis qu'il manque des ressources parce que c'est à cause des choix qu'on a fait, mais tant qu'il y a des autres univers parallèles, il y a une ressource qu'on a plus parce qu'on n'a pas fait ce choix-là. Donc, imagines-tu les possibilités d'univers parallèles avec cette théorie-là? Il crée une machine pour aller dans les univers parallèles, ramasser des ressources qu'on a besoin pour sauver la Terre. Moi, j'aime beaucoup le dessin, en tout cas. Là. C'est un dessin net. Qui sert beaucoup, là, justement, le genre science-fiction. Là. Oh, ouais, moi, j'aime beaucoup ça. Très rétro, là. Ouais, ben c'est ça. C'est un très moderne, mais avec un look rétro. Non, j'aime beaucoup ça pour le dessin. Puis c'est vraiment le principe solide. Aussi l'a vraiment intéressant. Le scientifique est un peu un punk rock non conformiste. Donc, on trouve un peu dans les personnages de punk rock Jesus que j'avais beaucoup apprécié. Oui. Le gars non conformiste amène sa famille. Il dit, je vais faire un test sans mes boss parce que je me fous de mes boss. On va aller voir un autre univers pour le fun. Il pogne un peu son boss, les clottes à terre, en train de saboter le projet parce qu'il ne veut pas que ça marche pour pouvoir lui le foutre à la porte parce qu'il l'aime pas. Puis après ça, reprendre le projet et le prendre à son crédit. Bon, la machine, il essaie la machine pareil parce qu'il ne se rend pas compte qu'il l'a saboté. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, la machine part tout seul. Il se rend dans un univers parallèle. C'est un cauchemar total. Là, il se rend compte que la machine est pétée, mais elle va faire des sauts random, hein, des laps de temps random et des places random. Les problèmes naturels du voyage dans le temps. Donc, et là, on parle pas de temps, on parle de dimension. De dimension, donc, ils se ramassent, des fois même, à se rencontrer eux-mêmes dans une autre dimension. C'est toujours intéressant. Oh, et puis, à rencontrer des affaires qui sont des univers qui sont complètement déjantés parce que, mettons, il y a eu le premier contact avec les extraterrestres dans cet univers-là, mais parce qu'on était assez intelligents pour leur parler. Parce que dans le nôtre, ben, on était juste trop niaiseux. Trop épais, puis on leur a tiré des missiles. Genre. Mais non, mais moi, j'adore ça. C'est tout l'univers du voyage dans le temps, ou t'sais, interdimensionnel. On va voir des univers parallèles. J'aime toujours voir l'imagination de certains auteurs. T'sais, j'adore et j'adorerai toujours Back to the Future. Ça reste un excellent film. Mais t'sais, sortir un peu du paradoxe temporel, puis de la rectiligne, puis on sait... J'aime ça quand on a des possibilités comme ça. Parce qu'il y a bien des gens, dès qu'on leur parle de voyage dans le temps, ben là, on va se référer à Back to the Future. Puis autre chose, ça devient compliqué. Ou tu sais, c'est pas. Tu sais, Doc, faut pas oublier, c'est un personnage de fiction. Fait que faut pas tout prendre ce qu'il disait pour du cash. C'est que j'aime ça. Moi, on veut voir des choses comme ça. Donc, Black Science. Donc, juste me rappeler, je suis en train de checker les auteurs. Matteo Scarlella et Dean White. C'est bien ça. Voilà, c'est dit. Puis là, on a Marie-Camille qui est juste à côté de toi, qui a aussi une suggestion, Marie-Camille. Oui. De quoi tu veux nous parler? De Black Canary et Zatanna Bloodspell. Diante, tout un titre? Tout à fait. Dans le fond, t'as le scripteur Paul Dini qui est le co-créateur de Harley Quinn avec Bruce Timm. Ah, toi Harley Quinn, on le sait. Eh oui, et dessiné par Joe Quinones. Je suis pas sûre si je prononce son nom comme il faut. Le nom vous dit peut-être rien, mais dans le fond, quand on check un peu un petit look rapide à sa biographie, dans le fond, il a travaillé DC, Marvel, Dark Horse. Il a eu des prix Eisner Award. Il a travaillé pour Spider-Man, Batman, Star Wars, America. American Vampire. C'est pas n'importe qui. Exactement. Et le coloriste, j'ai bien aimé sa biographie quand il présentait dans le livre. Il dit que c'est un Canadien qui a été élevé par des ours dans la toundra canadienne. Un classique. Et qui s'est envenu jusqu'à New York. Un peu comme Nico. Là. On a Nico, j'ai Nicolas en arrière de moi. Là. Il a l'air d'être ça, un gars qui a été élevé par les ours. Là. Exactement. Je sais parce qu'il mesure genre 7 pieds et une barbe. Là, mais... OK. Ah non, mais j'ai... Ah, mon Donc, Dieu. Mais je savais pas que les ours avaient des talents de metteurs en onde. Ah. visiblement. On parle de quoi dans ce BD-là, Marc-Camille? C'est comme un espèce d'épisode de Justice League Animated Series mettant en vedette Black Canary et Zatanna. C'est vraiment, sans prétention, c'est comme un espèce d'épisode où ce que Black Canary, il y a eu un vol de banque, puis pour prendre la personne qui a organisé ça, elle s'est dit déguisée, puis elle s'est jointe au groupe, sauf que avant que le vol de banque se passe en question, il y a eu comme une espèce de blood spell où est-ce que la personne a pris une goutte du sang de chacune des personnes qui étaient là et a récité quelque chose, mais elle pensait que c'était comme une phrase pour encourager, pour se dire tout le monde, OK, gang, on y va, mais finalement, c'était un sort. C'était pas juste un pep talk, là. Il y avait de la magie derrière ça. Et là, elle se rend compte que toutes les personnes qui étaient là à ce fameux vol de banque-là meurent les unes après les autres. Et là, elle fait appel à Zatanna justement pour l'aider à résoudre le mystère. Ah, c'est cool. Là, je suis en train de regarder. J'aime, encore une fois, le dessin est très cool, mais c'est un dessin drôle. Ça a l'air d'être vraiment comique, humoristique malgré le... Le fait que c'est assez sérieux comme situation. Pour mettre en contexte, pour ceux qui sont moins encore, ces deux personnages, c'est des personnages un peu moins communs. Zatanna, c'est un peu la magicienne, la Doctor Strange de l'univers DC. OK. Black Canary, c'est la top martial artist. Là. C'est comme elle, Bruce Lee, il renvoie chez eux avec ses dents. Là. OK, c'est bon. Puis c'est aussi pour Paul Dini, pour ceux qui veulent plus le placer en contexte à part Harley Quinn, c'est le gars qui a écrit avec Bruce Timm Batman Animated Series en 90. Oh, OK. Ça fait que là, on est dans le sérieux. Là. Paul Dini, c'est aussi lui qui a fait les Tiny Toons. Pas vrai? Oui, c'est lui aussi. OK, je vais peut-être comprendre le petit comic relief là, de la oui. BD. OK, c'est le fun. Puis il y a justement une scène dans le comic qui m'a vraiment fait beaucoup sourire. C'est ils sous-entendent que Black Canary et Oliver Green Arrow font une petite apparition dans le comic book. Ils ont eu une scène de sexe et Black Canary a beaucoup crié. Donc, c'est vraiment très drôle, sous-entendu. On parlait de sexe tantôt. Ben oui. Non, ça, j'avais vu Green Arrow tantôt. Je me demandais. Ah, mais c'est bon, ça? Ah, il était marié avec Black Canary et Green Arrow. Bon, exactement, d'accord. Ouais. OK, c'est-tu un one-hit c'est wonder? Un one c'est juste une... OK. Puis, ce qui est intéressant dans ce comic book-là, à la fin, c'est que tu as toutes les planches originales, tu as les brouillons, ce qui a servi à construire le making-of avec les scripts, avec les dessins utilisés de dos, de profil pour comment... Ceux qui s'intéressent justement à la construction d'un comic book, d'une BD, on peut tout voir ça à la fin. C'est le fun parce que souvent, on peut acheter des artbooks, tu sais, à côté, puis mais là, on a à l'intérieur directement vu aussi en même temps que... Mais là, c'est une édition cartonnée en plus, c'est la seule édition, on n'achète pas ça en petit... Je sais pas si elle est sortie en d'autres versions qu'en graphic novel, le... Pour l'instant, le hardcover, c'est celui que j'avais trouvé au magasin de Comic Book, mais je ne sais pas si le softcover va venir un jour. OK. Bon, ben, vous avez ça sous la main, parce que le titre n'est pas sur ma liste ici. Je vous le répète, le titre, c'est Black Canary and Zatanna Blood Spell. Donc, un graphic novel disponible chez vos bons marchands de Comic Book, comme tous les autres qui nous ont été présentés par M. Materne et Marc-Camille. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. C'est sûr... Qu'est-ce que tu as dit, Marc-Camille? Ah, ben là, de rien. Merci d'être passé. Donc, si vous voulez vous procurer ces magnifiques comic books, rendez-vous, nous, en tout cas à l'émission. Nos gros coups de cœur, c'est première issue sur d'Auteuil. Vous passez la porte Saint-Jean à Québec, vous tournez à droite, c'est tout de suite à côté du restaurant libanais. Ça a l'air de rien, mais ça fait 2 étages. Ouais, ça fait 2 étages. Magnifique et... magasin. C'est une référence. Et eux, ils me comprennent avec le shredder, Mike. OK, t'as parlé avec eux autres. Oui. OK, c'est bon. Tout le monde te compare avec le shredder. Non, Mike, il me comprend pas. Non, moi, Michael, moi, si c'est marqué Michael Bay à côté d'une propriété intellectuelle, je dis non. On s'en reparlera, les gars. On garde ça pour la fin? Peut-être. Mais Julien, il est là. Faut en profiter là, pour une fois que j'ai quelqu'un avec moi. Amour légendaire de Michael Bay. Non, c'est ça. Puis Mathieu, il est là, il va pas se prononcer. Je l'aime pas plus, Michael Bay, by the way. Là. C'est juste que. Il fait le nom de la tête. C'est parce que moi, je suis un gars plus nuancé que vous autres dans ce cas-là, je crois bien. Mais bon, on verra bien. On verra vers la fin de l'émission. Merci. Il y a aussi le TPM qui est une bonne place où aller chercher, en tout cas, les collectibles, là, toutes les figurines, produits dérivés que de vos séries préférées, autant. Au niveau comic book, jeux vidéo, séries télé, ils peuvent à peu près tout vous avoir ce qu'il y a sur le marché. Donc, allez voir les gens de TPM. Ils sont à Fleur de Lys. Fleur de Lys. Et ils vont pas déménager, j'ai vu passer Capital, ça. À Capital, ils déménagent temporairement, je me souviens. Ah, OK. J'avais vu passer parce ça. Parce qu'ils font des travaux sur la section Mégaparc des galeries de la Capitale. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Donc, allez voir nos amis de TPM et de Première Issue à Québec. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, il est temps de partir en musique. Et là, on va l'entendre nos amis du Nahul Band. Ça fait longtemps qu'on les avait pas entendus, avec une petite chanson là, qui s'appelle La compagnie du chien rugissant. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Nous étions quatre assis dans l'auberge, buvant une chope de nos maigres deniers. La bourse était vide, tout comme notre sac à dos. La compagnie attend un boulot. Un magicien, une guerrière farouche, un voleur du Nord et moi l'elfe noir. C'était notre groupe au nom déjà éloquent. La compagnie du chien rugissant. Il est sorti des ombres mouvantes, grande silhouette encapuchonnée, avec l'air méfiant de ceux qui sont avisés. Salut l'étranger. Braves amis, cherchez-vous l'escapade, dit-il en se joignant à notre tablée. J'ai besoin urgent d'un parti d'aventuriers. La compagnie commence à l'aimer. Je vous envoie retrouver mon grimoire. Chez les brigands, vous irez le chercher. L'affaire est plaisante, mais y serons-nous gagnants. La compagnie a besoin. Pièces d'or pour le groupe entier. Vous ne semblez pas d'un bon niveau. Pour qui nous prit-il cette espèce de sac à vin? La compagnie va lui mettre un pain. De chien, rugit la guerrière, et son épée lui mit dans l'œil droit. Adieu l'étranger, rendez-vous dans l'au-delà. La compagnie doit quitter l'endroit. Thank you. étions quatre assis dans la neige. Et qu'ai-je donc fait, nous dit la guerrière. Notre première quête expédiée dans le ruisseau. La compagnie attend un boulot. Envoyez nos petites games de balle en chute. C'est-tu normal qu'on se sente coupable? Chaque fois qu'on joue, ça nous fait mal. Mais voyons donc, des hommes de ta part. Les jeux de plateau. Et oui, de retour à puissance maximale, on vient d'entendre dans nos oreilles la compagnie du chien rugissant du Nahul Band. On vous rappelle Nahul Band, découlé du donjon de Daniel Buck, cette saga MP3 maintenant en roman et en BD sur une compagnie style Donjon Dragon, mais vraiment plus drôle. Donc, vous avez entendu ça dans vos oreilles. Maintenant, c'est le temps d'aller entendre quelqu'un d'autre dans nos oreilles, Madame Chantal Campagna, alias Fraulein Evil. Salut Chantal! Moi, bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Puis là, aujourd'hui, on va parler jeu, Chantal. On va parler, entre autres, d'un truc qui s'est passé la fin de semaine dernière où Andrew était présent. Les journées ludiques, en fait, on va plus parler peut-être un peu des plateaux d'or. Je ne sais pas si finalement tu avais réussi à avoir de l'information sur les plateaux d'or. Sinon, on parlera d'autre chose. En fait, oui, j'ai réussi à avoir de l'information sur les plateaux d'or. En fait, cette année, il n'y en a pas eu de plateaux d'or. Ah. Ce que je me suis fait dire, c'est que le jury, en fait, les plateaux d'or n'ont pas réussi à avoir les jurés qu'ils ont habituellement. Pendant cette période-là, pour une raison complètement inconnue, un alignement de planètes qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas de jeu. Tous les jurys étaient indisponibles sauf un, donc ils ont sauté une année. Et ils ont seulement donné un prix du public cette année. Donc, pendant la fin de semaine ludique, on avait les cinq jeux sélectionnés pour le prix du public et les gens les ont essayés comme dans les autres années. Bon, mais ça me donnerait une année de plus aux concepteurs pour fignoler leurs produits. Ben, exactement. Dans le fond, tant mieux. Moi, personnellement, j'ai pas pu y aller non plus cette année à cause de toutes sortes de raisons. Alors, je suis contente un peu, dans le fond, qu'il ait passé une année. Comme ça va me permettre de me remettre dans le bain plus facilement. Puis, de toute façon, on va pouvoir en parler tantôt après ton intervention, Chantal. On va parler des journées ludiques avec Andrew. Il était sur place. Sinon, toi, de ton côté, là, tu m'as dit, là, il faut qu'on parle de jeux, des petits jeux, le fun, pour vacances et voyages, parce que là, les vacances s'en viennent pour beaucoup déjà. Il y en a déjà qui sont en vacances, d'ailleurs. Donc là, tu as plein d'idées à nous suggérer. Ben oui, c'est sûr. Là, écoute, les journées rallongent, c'est parce que c'est les vacances qui s'en viennent. Donc, tout le monde va partir en vacances à un moment donné. Et dans ce temps-là, ce qu'on veut, c'est apporter des jeux. Parce qu'on veut pas que les enfants et les adultes s'emmerdent. Mais en même temps, on a souvent un espace qui est limité. Donc, on a choisi des petits jeux qui se transportent super de bien, qui sont super le fun et qui vont aussi être inclusifs. Tous les membres de la famille vont pouvoir jouer. Sauf que c'est que ça reste quand même des jeux qui restent le fun après. Quand les enfants sont couchés parce qu'ils sont complètement morts d'avoir pêché, couru, nagé, les adultes vont pouvoir continuer à jouer sans s'emmerder. Ça, on aime ça. Oui, on aime ça. C'est sûr qu'on aime ça. C'est voyons. Donc, on va commencer par Vendredi 13 parce que c'est quand même une création québécoise. Alors, c'est le nouveau venu, le nouveau bébé de la compagnie Scorpion Masqué, oui. Notre éditeur québécois préféré au monde. Alors, cette fois-ci, il a collaboré quand même avec Rainer Knizia. Donc, on commence à parler des gros noms quand même. C'est super intéressant et c'est le fun qu'il soit capable d'attirer des noms comme ça. Donc, Rainer Knizia lui a donné un petit jeu absolument super de cute. Ça s'appelle Vendredi 13. Et on essaie de ne pas trop accumuler de points de malchance. Donc, c'est une mécanique qui est très, très simple. C'est un peu basé sur la Dame de Pique. On va avoir trois piles de cartes. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas « buster », entre guillemets. Donc, à mon tour, je vais jouer une carte dans une colonne, et si le total de la colonne dépasse 13, je vais être obligée de ramasser toutes les cartes sauf celle qui a fait « riposté. Toujours okay. entre guillemets, parce que je ne sais pas le mot en français qui a fait ça ne s'est pas éclaté. Donc, à la fin de la manche, quand tout le monde a joué toutes ses cartes, parce qu'au début de la manche, on va recevoir un certain nombre de cartes, quand toutes les cartes ont été jouées, on va compter nos points de malchance. Et à la fin de la partie, après quatre manches, c'est la personne qui a le moins de points qui va gagner. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très, très simple, qui est super engageant. Le graphisme est super cute. C'est vraiment un très, très cute jeu. D'ailleurs, ils l'ont joué aux Journées ludiques. Andrew va pouvoir vous en parler plus longuement, étant donné qu'il était là en personne. Là, je viens de mettre sur la page Facebook, pour les gens qui nous écoutent, justement, la page du Scorpion masqué avec un visuel du jeu. Vous allez voir ça, à quoi ça ressemble. Mais effectivement, le petit chat, il est cute sur la boîte. Oui, mais sur la page du Scorpion masqué, d'ailleurs, vous allez pouvoir aussi écouter. Écoutez, il y a une vidéo d'explication qui dure 1 minute 26. C'est simple, direct, synthétisé, très séduisant. Ça vaut la peine. On aime toujours encourager l'industrie locale. Puis en plus, ils font des bons produits. En plus, c'est un bon jeu. Donc, c'est ça. Il va sortir, il devrait arriver sur les tablettes d'ici la fin du mois, vendredi 13 de Scorpion masqué. Excellent. Autre jeu, Chantal, dont tu veux nous parler, j'avais sous les yeux Speed Cops, les gobelets en folie. Speed Cops, les gobelets en folie. Alors ça, c'est un jeu de dextérité et un jeu de rapidité. Donc, on va recevoir chaque joueur, c'est jusqu'à 4 joueurs, c'est à partir de 8 ans. Et chaque joueur va recevoir 5 petits gobelets. En fait, ça ressemble à des petits shooters, mais vu que c'est pour les enfants, on appelle ça des petits gobelets. Donc, c'est des petits gobelets de plastique de 5 couleurs différentes. À chaque tour, il va y avoir une carte qui va sortir et on va devoir réaliser finalement le pattern qu'il y a sur la carte avec nos gobelets. Parfois, les cartes, ça va être en longueur, parfois, ça va être en hauteur. Le graphisme est super de cute. Puis, des fois, on va essayer de camoufler un peu. Donc, mettons, on va mettre 5 oiseaux, une à côté de l'autre. Il y a un oiseau noir, un oiseau... et c'est finalement la couleur des gobelets. Okay. Donc, c'est plus engageant aussi pour les enfants parce que ça fait moins plate, c'est plus fun. Et puis, ce qui vient dans la boîte aussi, il y a une sonnette, un peu une sonnette old school, là, comme quand on arrive à l'hôtel et qu'on sonne. Ah oui, oui, oui. Ding! Donc, le premier joueur qui réussit à réaliser le même pattern qu'il y a sur la carte va tout simplement sonner. On vérifie s'il est correct et si c'est lui qui l'a. Effectivement, si c'est correct, il va gagner un point. À la fin de la partie, ben c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Là, avec un nom comme Speed Cops, j'imagine qu'on a des parties quand même relativement rapides. C'est extrêmement rapide, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que c'est pas toujours la même chose. Okay. Puis c'est pas un jeu non plus où on peut devenir vraiment plus meilleur que les autres parce que les cartes changent. On peut pas vraiment les mémoriser à moins d'être surdoué, là. Il y en a certainement qui vont l'être. Mais c'est quand même le fun. Puis ça va être drôle aussi pour les parents, je pense, en fin de soirée, après un souper bien arrosé. C'est le genre de jeu un peu niaiseux qu'on va réussir à apprécier. J'avoue qu'après une demi-bouteille de vin, le côté fun vient de changer complètement. Là. C'est pas le même genre. Exact. On s'en sort comme des shooters maintenant. Non, c'est ça, exactement. Écoute, là, Chantal, on va tomber dans un de mes préférés. Écoute, moi, je suis un gros, gros fan. On va parler de Munchkin. Et là, c'est une extension. Là, bizarrement, petit papa Munchkin. On parle de Noël, mais là, tu m'as dit Noël des campeurs de ton côté. Ben, pourquoi pas? Écoute, Noël, dans le fond, c'est toute l'année. On fait une petite condensation le 25 décembre, mais pourquoi pas pendant le reste du temps? Le Noël du campeur, c'est quelque chose qui est quand même relativement populaire ici au Québec dans les terrains de camping. Hein. Tu pourrais aller au super camping Sainte-Madeleine sur le bord de la Vin et tu vas avoir le Noël des campeurs. Donc, petit papa Munchkin, en fait, c'est une extension qui se voulait de Noël, mais elle est arrivée seulement maintenant. Donc, que vous soyez gentil, que vous soyez méchant, vous allez quand même affronter les monstres de Noël. Donc, les chanteurs à la noix de bois, le crado de Noël. Mais vous allez pouvoir aussi compter sur l'aide de la fidèle chandelle festive, peut-être, pour être capable de gagner vos combats. Donc, évidemment, c'est encore une fois une extension de n'importe quoi. Et elle est prévue pour être utilisée avec au moins deux jeux jeux de la base de la gamme de Munchkin. Donc, deux jeux de base. Okay. Déjà, vous allez mélanger, par exemple, Munchkin avec Munchkin Zombie. Et vous allez rajouter un petit air festif à tout ça. Donc, comme je dis, une extension de n'importe quoi. Excellent. Puis là, c'est toujours, je vous le dis, là, mesdames et messieurs, le Munchkin, c'est toujours une valeur sûre. Donc, il ne faut pas se gêner pour se lancer là-dedans, bien évidemment. Donc, petit papa Munchkin, c'est dit. Allez vous chercher ça tout de suite. En tout cas, moi, ça va être... tout me permet ça, justement, plus dans le temps des fêtes, dans mon cas. Parce que moi, le Noël des campeurs, pas tant. Bon, voilà, c'est dit. Sinon, là, tu avais un truc pour la route. Tu m'avais inscrit dans ta liste. Oui, mais oublie pas de revenir à mon 5 cornichons, c'est mon bébé de l'année. Ah, ben là, on va en parler tout de suite d'abord. 5 cornichons. Ah, ben, y a pas de problème, on peut parler de l'autre aussi. En fait, l'autre, ce qui est le fun, c'est que c'est des jeux, ce sont des cartes. Donc, dans la boîte, il va avoir 50 cartes et c'est 50 jeux pour les enfants quand on est dans le tout. Alors, on s'imagine là, qu'on part de Montréal et on s'en va à Saint-Glinglin des Meumeux en Gaspésie. On a 10 heures de voiture à faire. On va peut-être vouloir animer un peu les enfants s'ils sont pas pognés avec le nez dans le iPad. Ben là, c'est ça. Donc, finalement, c'est des jeux. C'est tout simplement des jeux pour animer les enfants, les faire travailler un peu l'imagination. Donc, par exemple, il y en a un où on va inventer, c'est une variation du téléphone arabe, on va inventer des activités que l'on fait avec les lettres de l'alphabet. Donc, par exemple, moi, je commence et je vais dire, ben moi, je me suis... amuser avec un ananas. Et là, Andrew va continuer en disant, moi, je me suis amusé avec un ananas et j'ai fait bouger les bisons. Et à ce okay. moment-là, toi, tu vas continuer en disant, je me suis amusé avec un ananas, j'ai fait bouger les bisons et j'ai chanté une chanson. Et c'est le premier, finalement, qui va se tromper, qui va perdre. Donc, on ne réinvente pas la roue, mais on donne quand même des idées aux parents pour être capable d'animer les enfants, ou même les grands-enfants aussi, par exemple, si on s'en va à la Gen Con et qu'on a 17 heures de route devant nous. C'est ça, j'allais dire, là, pour les parents geeks là, qui se déplacent avec leurs enfants dans les événements, pourquoi pas, justement, utiliser ce genre de petit jeu, ce petit jeu-là, justement, pour agrémenter le voyage, parce que l'iPad, c'est bien beau, là, mais c'est le fun de participer avec nos enfants aussi, dans mon cas, c'est avec ma nièce, là, mais pouvoir participer comme ça tout au long de la route à place d'avoir toutes nos, chacun notre nez dans nos affaires, là. Bon plan, mais... Puis ce qui est le fun aussi, c'est quand on peut jouer avec des enfants qui sont jeunes. Hein. Je veux dire, un enfant à 2 ans, c'est interactif, il s'ennuie dans son banc, il n'a pas peut-être pas son iPad, hein. Il y a moyen de leur parler puis d'avoir du plaisir avec eux autres aussi. Donc, je trouve que c'est toujours une bonne idée. 50 jeux pour les petits voyageurs, ça s'appelle « Sur la route ». Excellent, super suggestion ça Chantal. Autre jeu, veux-tu parler tout de suite de tes 5 cornichons Chantal? On peut y aller. Moi les 5 cornichons là, je m'attendais vraiment à rien, j'ai regardé la boîte puis j'ai fait OK, qu'est-ce que c'est? C'est génial. J'adore ça. Je vais tout de suite dire que moi, je suis une joueuse de cartes. J'adore les jeux de levée, comme Mu, par exemple, Tichou, le trou de cul. C'est le genre, les 7 sauts, c'est le genre de jeu que j'adore. Donc, 5 cornichons, je ne m'attendais à absolument rien. J'ai été agréablement surprise. C'est super le fun. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque manche, chaque joueur reçoit 7 cartes. Donc, il va y avoir 7 plis par manche. Ce qu'on veut, c'est réussir à ne pas ramasser la dernière levée. Parce que la personne qui va avoir gagné la dernière levée va se mériter des petits cornichons en bois qui sont dans la boîte, qui sont très, très mignons. Et lorsque le joueur va avoir ramassé 5 cornichons ou plus, il est tout simplement éliminé et la partie se continue avec les autres joueurs jusqu'à ce qu'il y ait un duel entre les deux derniers. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'à mon tour, je dois soit jouer égal ou plus fort que ce qui a déjà été joué, où je dois jouer ma carte la plus faible. Donc, c'est impossible dans la dernière levée de dire, ben moi, j'ai gardé mon 1 pour la fin parce que j'ai été peut-être obligée de le jouer plus tôt. Alors, c'est le twist, c'est la petite condition qui va faire qu'il y a un petit peu de piquant. C'est absolument génial. C'est une toute petite boîte. Ça vaut tellement la peine. C'est fantastique. C'est à partir de 8 ans et c'est okay. jusqu'à 8 joueurs. Ah, c'est le fun, ça. Ça donc, ça on se lâche plus. En fait, sur la boîte, ça dit jusqu'à 6 joueurs, mais dans la vraie vie, on peut jouer jusqu'à 8. Ah, OK. Donc, il faut pas toujours écouter ce qui est sur les boîtes, mesdames et messieurs. Écoutez Chantal. Elle, elle a les vraies réponses. Puis en plus, on connaît l'auteur de ce jeu-là pas mal. On a monsieur, c'est M. Friedemann Friese qui l'a fait. On l'a, oui. Je pense qu'on a d'ailleurs... M. Friedemann Friese, monsieur, avec les cheveux verts. Mais en fait, c'est une adaptation d'un jeu suédois, je crois. Ah, OK. Qui c'est un jeu traditionnel, là, un peu comme Philippe de Palière avait adapté Loup-garou. Ah, c'est, okay. C'est un jeu là qui est connu, qui est très très joué là-bas. Mais lui, il l'a remanié, il l'a redessiné évidemment avec le nouveau visuel, avec les cornichons et tout ça. Le résultat est superbe, ça va être le fun, ça va être un jeu qui va rouler. Dans 15 ans, il va être encore là, ce jeu-là, c'est sûr. Très bonne suggestion aussi. Je viens de mettre justement le visuel sur la page Facebook de l'émission, comme pour les autres jeux. Et là, on va terminer, Chantal, avec ton dernier jeu. Tu nous en as déjà parlé, mais là, oui. t'as pu jouer à Bruxelles, oui. enfin. Et là, tu voulais absolument nous reparler de ce jeu-là. En fait, c'est juste parce que je veux souligner que ce jeu-là, pour n'importe quel joueur qui se dit un peu expérimenté ou un peu sérieux, s'il ne joue pas à Bruxelles, je le crois pas. Il va manquer de crédibilité complètement. C'est un jeu qui est absolument fantastique. En parler, c'est quelque chose de dire, ah oui, il a gagné le fair play, blablabla, le jeu de l'année à Cannes, Agnan. Mais une fois qu'on le joue, c'est vraiment de toute beauté. Je pense que je saigne encore du nez à cause de la difficulté des choix. On peut aller dans le legit, si on veut, où on peut aller jouer dans des actions qui ne coûtent pas d'argent, mais qui sont mal vues par la justice. On a la résolution des tours qui va prendre une quinzaine de minutes, tellement il y a de choses qu'on peut faire. Il y a deux plateaux sur lesquels on peut jouer. Il y a les enchères qu'il faut prendre en compte. C'est du placement de travailleurs, mais plus on attend pour faire notre action, plus elle va nous coûter cher. Il y a tellement de choses à tenir compte. C'est de la viande et de la viande excellent, physique. Ça. C'est de toute beauté. On aime ça, ce genre de jeu-là. Plus complexe, des fois, on parlait de jeux simples pour les vacances et tout, mais là, avoir quelque chose comme ça, c'est toujours le fun d'avoir ça sous la main, justement. Et donc, on parlait du jeu Bruxelles, qui est disponible maintenant chez nos meilleurs marchands, c'est ça? Oui, enfin! Excellent. Écoute, Chantal, c'est déjà la fin de ta chronique. Il n'y a pas de problème. Ça passe toujours super vite. On a encore eu d'excellentes suggestions de ta part. Puis là, on va se reparler le mois prochain pour reparler jeu. Très, très rapidement. Oui. Je vous annonce qu'il y aura la foire du jeu de Longueuil les 5, 6 et 7 septembre 2014. Et ça va au profit des programmes sportifs de l'école secondaire Gérard Filion. L'année passée, il y a eu 204 personnes. Cette année, il y en attendent plus. Alors, je vous conseille de peut-être commencer à regarder si vous voulez y aller. C'est la rencontre du mois de septembre. C'est ce qui a remplacé les rencontres ludopathiques de Granby. Ah, OK. C'est à ne pas manquer. Excellent. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À au mois prochain. Bye, là. Bye-bye. Et maintenant, M. Castagan, il est temps de retourner en musique. Et là, c'est la pause. Là, vu que là, on vient de parler du jeu pas mal, puis là, ça brasse, puis là, la soirée avance. J'ai décidé de vous mettre quelque chose pour vous réveiller. Vous allez voir, c'est une musique. Vous le savez, on est amateur de métal à puissance maximale. Là, je vous envoie quelque chose d'assez solide dans vos oreilles. On n'entend pas ça souvent à la radio, mais vu que on est à la radio communautaire, on fait des découvertes, ben, on va en profiter. On va vous mettre dans vos oreilles la chanson Opacity du groupe Ebony Tears, un groupe qui n'existe plus. Malheureusement, bien malheureusement, parce qu'ils font vraiment de la bonne musique. Vous allez voir, ça déménage pas mal. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD 96.9, la seule station sur la rive sud. Crying take me home. I'm here all alone, and slowly I fade. If you could see my misery, would you believe in opacity? Hi, this is Pat Contry, the NES Punk, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson Opacity de Ebony Tears. Hein, je vous l'avais dit, ça allait faire différent de la radio commerciale, mais vous avez eu ça dans vos oreilles grâce à Puissance Maximale. Ben, c'est un band, by the way, pour ceux qui ne savent pas, c'est un band de death metal suédois. Parce que moi... Metallica, je trouve ça doux. Donc voilà, c'est dit. Non, c'est à cause que il y a une Suédoise qui chantait. Non, il y a juste des Suédois dans ce groupe-là, malheureusement. C'est qu'on parle encore qu'un ami, là, toi. Non, c'est ça. Mais là, pour les... J'étais sûr que j'avais entendu une voix féminine, la preuve que j'écoutais tellement pas. Ben, en fait, ouais, il y avait... Effectivement, mais c'est... Non, mais moi, c'est à cause que je travaille, Michael. Ouais, ça va je vite, travaille. Ça va vite. En fait, pour les gens, je le rappelle, c'est à chaque fois qu'on poste le podcast de l'émission, je mets toujours le choix musical avec la chanson et le groupe. Donc, si ça vous intéresse de retrouver après ça, vous entendez une toune que vous aimez bien, mais vous allez pouvoir le retrouver facilement sur le site si vous vous y rendez pour retrouver ça après pour vos achats futurs de musique. Alors, rendez-vous au www.puissancemaximale.com. Monsieur Castagan, on va parler d'un jeu maintenant. Je ne l'avais pas dit tantôt parce qu'on était pressé avec le début d'émission, ça allait vite, mais on va parler d'un jeu auquel on a joué tous les deux sur PC. Ça s'appelle Wolfenstein The New Order. On en a glissé un mot rapidement avec Eric La Jeunesse il y a deux semaines parce qu'on avait tous commencé à jouer au jeu en même temps. Donc, écoute, on va vous en parler. Je sais pas combien de temps qu'on va vous en parler, mais c'est un bon jeu. Moi, je peux dire ça tout de suite. Jeu de tir à la première personne qui se situe dans un univers parallèle. On en parlait tantôt, on parlait des comic books. Un univers parallèle où les nazis ont gagné la guerre. Donc, on se retrouve au début, on est en pleine guerre, en pleine Deuxième Guerre mondiale. On est avec un personnage qui s'appelle... Là, je cherche le nom parce que c'est un nom... William B.G. Blackowski. Voilà, c'est un... très américain. Ah, très américain. Mais c'est un soldat américain donc qui attaque un château. Me demande bien lequel. Ben c'est le château de Wolfenstein, voyons. Et voilà, donc, qui attaque un château qui abrite une force nazie et un personnage, un méchant, on va dire ça comme un ça. Un méchant. Un méchant scientifique nazi qui fait des expérimentations et on veut l'arrêter. Et là, s'ensuit quelques péripéties, mais là, notre personnage, après cette mission, tombe dans un... Répétons le méchant. C'est le général... Là, j'ai pas le nom. Non, mais avec l'accent, là, le méchant. Le méchant. C'est pas drôle, Andrew. Mais non, c'est le rire du méchant. Ah oui, il rit à peu près une fois de même. Je suis en train de penser à ça dans le jeu, effectivement. Donc, évidemment... C'est à cause que Secteur 51 l'a mis tantôt. Quand voilà. Tu dis le méchant, j'ai fait la liaison. Voilà, ça. On va mettre un rire de circonstance. Mais en fait, ça, c'est peut-être un quelque chose que j'ai peut-être à... Un mauvais côté du jeu, ça va très en même temps, vu le genre de jeu, ça va beaucoup dans l'archétype. Donc, tu sais, le méchant scientifique nazi est obligatoirement chauve, plein de cicatrices et a un rire démoniaque. C'est que, tu sais, on est vraiment pas dans la subtilité dans le jeu là. Non, mais je vois pas, là, t'es en. Oui, c'est pas tant archétype que ça. Tout le monde le sait que les nazis avaient des chiens en armure complète et ouais, des mechas qui tirent moi, du Tesla. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'héros qui se réveille après, je sais pas quoi, d'années de coma, ouais, en pleine forme, prêt après opérer du nazi. Appelté. Tout à fait. Ouais, c'est ça, notre personnage. Après, il tombe à genoux en se levant. Après l'opération qui se passe justement dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre, se réveille après 14 ans d'état végétatif pendant une attaque nazie dans l'hôpital, dans l'asile où il est. Et là, ben, tu sais, c'est ça, il a toujours été assis sur sa chaise roulante. Puis là, il se relève tout d'un coup, il commence à péter du nazi à coups de couteau. Et ça se passe dans les années 60, donc s'ensuit tout le reste du jeu. Écoutez, jeu extrêmement efficace dans le genre, donc tire à la première personne. Nous, on a joué sur PC, mais c'est disponible sur PS3, mais PS4. Dieu sait qu'il roule bien sur PC. Oui, numéro 1, aucun problème. Tu sais, je vous disais, la semaine passée, même il y a deux semaines, qu'avec la fameuse sortie de Watch Dog, un des pires portages PC que j'ai vu de ma vie, sinon le pire, moi, je peux pas jouer chez nous. J'ai une super machine, j'ai un super PC pour jouer, incapable de jouer. Puis je l'ai montré à Andrew, il est passé chez nous, puis il pourra confirmer, même à Medium, les graphiques Medium, c'est injouable. J'arrive dans un jeu comme Wolfenstein, qui est quand même très très beau. Aucun problème, ça roule numéro 1. Vraiment bien fait. Donc c'est ça, disponible sur tout ce qui se fait comme console de salon, donc Xbox One, 360, PS4, PS3, évidemment PC. Très efficace dans le genre, je pense qu'Andrew va être d'accord avec moi. L'action à la pelletée, ça va vite. C'est très divertissant. Le système est très facile à gérer. C'est mais classique. Là, ça révolutionne rien. Vas-tu te dire quelque chose que je trouve le fun avec Wolfenstein? Le 12 automatique qu'on peut avoir une à chaque c'est main. C'est qu'ils ont tourné vers le principe des vieux first-person shooters. Le gars, oui. C'est un gars normal, puis il traîne une armurerie sur lui. C'est t'as ça. 42 sortes de guns. Tu peux avoir deux 12 semi-automatiques, un dans chaque main. C'est il ça. T'opère ça, lui. N'a pas de problème. Trouble. Mais on parle quand même, c'est le premier first shooter, le first-person oui. shooter. C'est le, oui, c'est le grand-père. 3D, là, c'est le, ça. Le grand-père. Ben, ils ont même fait un clin d'œil à ça, d'ailleurs. Shooting. Il y a un tableau classique. Oui, il y a un easter egg. On va se coucher sur un matelas. On fait un cauchemar, mais dans le cauchemar en tant que tel, ben on est dans les vieux tableaux de Wolfenstein 3D, mais avec notre personnage à nous qui est correct. Là. À pixel avec les oh, grosses oui, pixels à fond, dedans, là. Puis le, vraiment... le graphique VGA. Là. Ah oui, à fond, c'est vraiment... Vrai. Mais c'est vraiment bien pensé. Moi, j'étais tout content. En fait, j'avais hâte de finir mes missions standard pour pouvoir aller me recoucher pour faire un bout de classique Wolfenstein 3D. Ça, c'est le fun pour les, justement pour les adeptes, ceux qui ont joué à... Même que Wolfenstein 3D, c'était même avant Dôme, si je me rappelle bien. Ouais. Ouais, donc, ouais, c'est avant Doom. Donc là, on est servi. C'est ça que j'aime aussi. C'est ça. On a aimé les Call of Duty, les jeux tactiques où on traîne un gros gun avec notre couteau, notre fusil, puis une ou deux grenades. Mais là, on s'en fout. Là. On a des couteaux à lancer. On a deux 12 semi-automatiques. On peut tirer en même temps avec à peu près pas de recul. Ça fait du bien, en fait, d'avoir des jeux comme ça qui se lancent dans. Pas dans le un peu dans le n'importe quoi, mais dans l'action pure, sans avoir trop de limites, finalement. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que ça fait ce que Duke Nukem, le nouveau, aurait a mal fait. Exactement. Ça reprend le concept de on va faire, genre, du jeu de tir des années 90, le film d'action là, archétypal avec Arnold là, oui, en jeu. On est là-dedans à 100%. On est là-dedans. Non, mais en Duke plus, l'a échappé complètement. Oui, ça, ça l'a réussi parfaitement. Oui, oui. Mais il faut savoir qu'après Return to Castle to Wolfenstein, il y avait eu un jeu qui s'appelait Wolfenstein qui était mauvais. Ouais. Mais il était vraiment pas bon. Là, le monde, ils ont dit non, Wolfenstein, là, oubliez la simulation. Là. Même si on se bat contre des nazis fantômes, des zombies, nécromanciens, tout ça, là. Non, oubliez ça. Là. Wolfenstein, c'est on tire tout plein. Là. Oh oui. Fait que là, ID Software, se sont tournés vers Bethesda, puis tout ça, parce que ça avait été. C'est rendu un sous-studio. Et là, après ça, ils sont arrivés, ils ont dit là, on a refait Wolfenstein The New Order, mais on retourne aux sources, mais avec une histoire plus travaillée. Fait que d'où pourquoi que Bethesda était impliqué un peu dans le scénario. Là. Fait que. Mais là, on retourne vers un bon vieux classique du first-person shooter, rien de compliqué. On peut même aller au-dessus du 100% de vie, je trouve ça vraiment. Oh oui, cool, on peut se booster, on continue à prendre, puis là, ça descend. De soins, t'es plein, tu peux pogner une trousse de soins, ça te donne d'énergie temporaire. T'overboosté. Mais ce qui est le fun, en fait, comme dit Andrew, on tombe dans l'action pure, dans le vieux, mais on va pas sacrifier le scénario, qui est franchement intéressant. C'est sûr que c'est pas un Skyrim, c'est pas des. Mais pas un first-person shooter, c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment le fun. On est dans la revanche à fond, là, on va aller péter la gueule au méchant général qui nous a fait souffrir beaucoup, beaucoup. Mais. Pour y arriver, on passe à on découvre, parce que là, les nazis là-dedans, ils ont de la technologie ultra perfectionnée ou avancée, parce que là, ils ont volé la technologie d'une société secrète juive. Hébraïque et juive. Là, grâce à ça, ils ont des exosuits, ils ont des Panzerhound, donc des chiens mécaniques géants. Comme dans le bon vieux temps. C'est en plein ça, là, tu sais. Mais j'aime ça qu'on se lance dans des délires comme ça, puis que c'est bien expliqué. C'est ça, parce que là, on fait. T'sais, avant d'arriver dans le scénario, on fait bon, ok, les nazis ont gagné, mais ils sont crinqués côté technologie. Comment ils ont fait ça? Là, on a une explication dans le scénario. On fait ah, ok, à partir de ce moment-là, j'accepte tout ce qui se passe après. Peu importe ce qui va se passer, il n'y en a pas de problème. Ça fait que c'est d'une efficacité terrible. Beau jeu. Pas trop court. J'ai été surpris. Ça prend quand même bon 45 minutes, une heure juste pour faire le début du jeu avant que le générique arrive. Ouais, c'est ça, Eric en avait parlé il y a deux semaines. On joue, puis à un moment donné, pouf, on fait un New Order, ça commence, on a le générique, puis on est intégré. Je veux dire, quand on voit des cinématiques, souvent le gameplay est intégré avec, on n'est pas... Puis il y a toujours la possibilité de skipper. Ça, je dirais jamais assez comment c'est pratique d'avoir un skip pour les cinématiques trop longues, mais dans Wolfenstein, ben, je suis en train de le refaire en fait parce que il y a un choix moral. Il y a un choix moral à faire au début. C'est à peu près le seul qu'on a. C'est le seul qu'on a à faire, mais je voulais quand même l'essayer. Mais je suis en train de le refaire. Là, je les skip parce que je les ai vus. Mais la première fois, je les ai vraiment écoutés au complet. Puis ça ne me dérangeait pas du tout. Tellement c'est bien intégré au niveau du scénario. Les transitions sont bien faites aussi. T'es à un moment donné, ah, on est en train de faire l'amour dans un train. On est dans une chambre d'hôtel. Ouais, c'est ça. Ça se fait tout seul. Tout bonnement. C'est bien fait. Non, ça en farce. Moi, j'étais agréablement surpris. Il y a du sexe, Julien, dans ce jeu-là. Ouais. Surtout qu'il arrête pas de nous en parler à chaque émission. Sexe! Voilà. Donc, écoutez, comme vous pouvez entendre, c'est une suggestion que je fais à tous les amateurs de first-person shooter, mais tu sais, qui n'ont pas peur de rentrer dans... Justement, dans le tas, dans le côté un peu Arnold Schwarzenegger des années 80-90, là, comme disait Julien tantôt, qui sont pas complexés justement par le manque de réalisme. On y va à fond, allez-y. Même le héros, il est atrocement carré, c'est incroyable. Ah non, c'est ça. Ben, il y a une gueule à la Schwarzenegger quand on le voit. Il se fait poignarder, électrocuter. Il y a tout. Mais il est là jusqu'à la fin. C'est ça, il embarque dans des plans incroyables. On va envoyer un gars dans une base. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, oui. Pas de là, problème. La mission commence, puis il fait « Ouais, finalement, j'étais un peu con. » Ah, ouais, il y a ça. Il y a toutes les réflexions aussi quand il se promène dans les différents niveaux. On l'entend penser. Puis quand il meurt, des fois, à un moment donné, je suis complètement con. Je suis tombé dans un trou. Puis pendant que je tombe, j'entends « It's a stupid way to die. » Paf, là, tu tombes en bas, puis tu meurs. Je fais « OK, ça, c'est bon, c'est bien passé. » C'est ces petits trucs-là qu'on rajoute. La chose que je trouve complètement crétin, mais ça va avec le jeu, c'est pour avec la difficulté. Il fait des super missions. Il ressort avec des arsenals. Il y a 20 guns sur lui. La mission d'après, il y a un couteau. Pas pensé à me ramener un gun. Non. Zéro open bar. Non, mais c'est à cause qu'il en profite pour armer la résistance. Non, c'est ça, il redonne ses guns. Well, c'est pas un défi si j'y vais juste, si je vais avec un gun, mais donnez-moi un couteau. Qu'est-ce que je trouve drôle des fois dans le jeu, tu sais, quand on est dans la base de la résistance, ouais. C'est pas un spoiler, là, inquiète-vous pas. T'sais, le gars, c'est un soldat américain, ok? C'est un arme à tuer, ce gars-là. Là, un arme à tuer? Un arme à tuer. C'est okay, pas une arme à faire des pâtisseries, pas une arme pour tuer. Pas une arme vivante, une arme à tuer, c'est bon. C'est ça. Mais t'sais, il tue des nazis là, comme si il y avait aucun problème. Puis là, il arrive dans le bord de la résistance. Ouais, j'aimerais ça que t'ailles me trouver une torche. Ouais. Une clé à molette. À quantité de monde qu'il y a dans la base, là, on va envoyer le soldat qui revient, qui a risqué sa vie, qui s'est fait électrocuter, poignarder et tout. Va me chercher du ketchup dans le frigidaire. Parce que tu es mon homme de confiance. C'est ça. C'est l'argument, là. Mais le bout dans le QG, la résistance, c'est le fun aussi. Ben, il y a le minigame avec le tableau à l'ancienne. Ouais. Mais on est dans le scénario aussi. On parle avec les personnages. On les découvre. Les personnages se développent dans ce bout-là du jeu. C'est vraiment intéressant. C'est une belle découverte. Ça fait longtemps que j'avais pas joué un first-person shooter. Et j'ai autant de fun que ça. T'sais, du plaisir, juste du plaisir. Pas de casse-tête. Bon scénario. Donc voilà, moi, je vais être obligé d'aller vous l'acheter sur le champ. Mais bref, c'est à peu près ça. Si vous êtes amateur, si vous n'avez pas peur de vous lancer là-dedans, dans le gros fun sale, sans avoir besoin de poser des questions sur le réalisme, c'est un jeu pour vous, beau, bon, pas cher, je sais pas, là, il doit être encore, ça fait pas si longtemps que ça que ça qui est sorti. Mais demain, je dis ça comme ça, ce sera surveillé, mais demain commence la vente d'été de Steam. Ah non. Ça va tout nous coûter très cher, là. Préparez-vous, là. Sauf Julien. Sauf Julien qui n'a pas de PC, mais. Julien est mort. Mais tu sais, ceux qui ont des PC présentement, préparez-vous. Vos portefeuilles vont baisser. Ça commence demain. Ça sera peut-être à surveiller, peut-être disponible sur Steam avec un rabais. Dans les. Ça dure combien de temps déjà la vente? C'est... Longtemps. Ouais, hein? C'est un long événement, puis ils changent souvent les rabais. Surveillez tous les jours, vous en savez, fait. À base, Steve. Steam a beaucoup de rabais. Sauf que la vente d'été, c'est comme pire. Pendant longtemps. Non, c'est que surveillez ça. Peut-être que vous allez pouvoir tomber sur Wolfenstein The New Order en spécial. Ça se pourrait très bien parce que on arrive souvent avec des titres étonnants là, dans cette vente-là d'été. Donc, c'est à surveiller. Des fois, les jeux sont même pas sortis, ils sont déjà en vente. Oui, il y a des promotions sur les pre-orders. C'est que surveillez ça. On va peut-être regarder ça. Je vais regarder ça pour Witcher 3, on sait jamais. Donc, on vous parlait de Wolfenstein New Order. Je pense qu'il est déjà en rabais, Witcher 3. Oui, je l'ai vu passer aujourd'hui même. Je pense que c'est... Bon, c'est pas un gros rabais, mais... C'était 5 ou 10 %, ouais, mais tu sais, c'est quand même 5 ou 10 %. C'est un jeu qui n'est pas sorti. C'est déjà ça de prix. Puis en plus, si votre ordinateur est ouvert dans 8 mois, parce que ça va être en février 2015, ça va se downloader tout seul, ça va se débloquer, ça va être magique. Hey, écoute, Andrew, j'ai une question. Combien de Panzerhound sur 10 donnes-tu à Wolfenstein The New Order? 8. Un 8? Je vais y aller avec un 8, moi aussi. Je pensais à 8.5, mais ça reste quand même assez simple comme jeu, mais ben, efficace. Mais moi et tout, mais par exemple, c'est sûr que si vous aimez le classique, le first-person shooter, c'est vraiment... Ah oh oui, vous un go, pas. Là. Un go, là. Laissez-vous pas influencer par le fait que Wolfenstein, lui, d'avant, était pas bon, là. Non, non. Comme on a dit à Secteur 51, l'industrie a écouté sa clientèle. Oui, ben depuis les derniers mois, j'ai hâte de voir l'année qui s'en vient. C'est de belle augure, comme on a parlé la semaine passée à l'émission, là, lors du spécial E3. C'est à surveiller. Peut-être qu'on va avoir d'autres petits bijoux comme ça durant l'année. Monsieur Castegan, il est temps de repartir en pause musicale. Là, il y a des gens qui vont dire « Oh, Opacity, Boniteer, c'était bon, mais... » Ça rockait pas mal. Écoutez, on va y aller avec un classique, cette fois-ci plus relax, mais un autre artiste que j'adore beaucoup, M. Charles Aznavour. Et on va y aller avec « Hier encore » dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. CJMD 96.9. La seule station sur la rive sud. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiaud, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Charles Aznavour et Hier encore. Et là, on va parler encore de jeux de société, mesdames et messieurs. On va faire un retour avec M. Castegan et M. Materne sur les Journées ludiques de Québec qui ont eu lieu la fin de semaine passée. Malheureusement, c'est comme on parlait tantôt avec Chantal, elle ne pouvait pas être là. Mais nos deux compères y étaient. Messieurs, comment ça s'est passé? Ben, moi, j'étais là samedi. Tout était là dimanche. C'est le dimanche, oui. Okay. Regarde, tu te rends compte, tu as eu une couverture des deux total, jeux. Total, ouais, malgré mon absence. Ouais. Vous êtes des pros, les gars. Donc, ben, je sais pas, on va pourquoi commencer par Endo, pourquoi pas? Ben, moi, je suis rentré, j'ai fait crème, il y a donc bien du monde, puis je suis reparti. Non, c'est une blague. Non, en fait, je suis allé, je te dirais, bel événement. Mais contrairement à l'année passée, comme tu disais que toi, tu t'étais pointé, puis il n'y avait pas de place du tout pour m'asseoir. Il y avait beaucoup de monde, mais j'étais capable de m'asseoir. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais là, t'es arrivé là, puissance maximale. Là. Ils t'ont trouvé une place tout de suite. Ah, mais moi, j'ai même été accueilli par la porte d'en arrière de l'événement. Parce que je suis arrivé, puis il y avait Louis-Étienne qui était là. Et il était en train de faire du barbecue sous la pluie. Et quand je suis arrivé, j'ai fait fait comme « Hey, salut Louis-Étienne, par où qu'on rentre? » Puis il m'a dit « Ben, suis-moi. » Fait que j'ai pu rentrer dans l'événement sans badge pour VIP. Aller chercher un badge. Excellent. Fait que c'était merveilleux. Mais, on rappelle que Louis-Étienne, c'est notre autre chroniqueur jeu de plateau là, qui est là à la fin du mois normalement. Pour ceux qui, vu que ça fait juste deux chroniques. Et là. En même temps, ben, j'y ai mentionné, tu sais, Louis-Étienne, t'aurais pu me demander une machine à faire des hot dogs vapeur. Ça aurait été moins compliqué qu'un barbecue sous la pluie. Ouais, j'avoue. Hein. Mais ça a de l'air que personne dans l'organisation se rappelait que c'était moi qui avais cette machine-là. C'est que là, il y avait quand même pas mal de monde samedi. Ça y est, là, tu vas pouvoir acquiescer avec moi. C'est tout un événement ludique, là. Oui, c'est vraiment une collection de jeux incroyables. D'ailleurs, pour parler du fait qu'il y avait plus d'espace, j'ai eu l'explication d'ailleurs des organisateurs de l'événement. C'est qu'il y a une scène dans la salle. Oui. Et l'année passée, il n'était pas libre, ouais, la scène. Oui, parce que c'était les plateaux d'or qui étaient là. C'est ça, exactement. Mais là, plus qu'il n'y avait pas les plateaux d'or, ben tout ce qui était compétition, ils ont mis sur la scène. Fait que ça a laissé plus de tables libres, voilà, pour permettre de jouer à des jeux. Et moi, ben j'ai pu jouer à 3 jeux. À quoi t'as joué? Ben, j'ai joué une game de Munchkin, c'était un classique, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et tout ça pour finir que j'ai fini avec un lamentable niveau 1. Oh! Parce que j'ai pogné malédiction par-dessus malédiction par-dessus malédiction. À un moment donné, je me suis monté level 4. En un tour, je suis redescendu à level 1. Fait que c'était de toute beauté. Et le pire, c'est que c'est même pas les joueurs qui jouaient contre moi, le deck jouait lui-même contre moi. Ah, mais là, tu sais, c'est la curse du roux. Ben oui, il faut croire que même à Munchkin... Ben, tu te rappelles, il me semble que les fois qu'on a joué, ça allait super bien des affaires, puis à chaque fois, tu finis par... À chaque fois, j'atteins le niveau 9, il y a comme une barrière... C'est même... Puis souvent, c'est pas... effectivement, comme dans cette situation-là, c'est pas souvent les autres joueurs qui te font chier. Non, t'es non, pas non. chanceux, même. Non. Mais les jeux, on le sait, Andrew, jeux de plateau, jeux de rôle, dès qu'il y a du hasard, ça va pas pour toi. Ouais, ça pourrait être pire. Moi, je suis statistiquement prouvé comme quoi je peux pas gagner avec un jeu qualité. Il y a une courbe statistique qui a déjà été faite. Ah, diantre. Tu connais le jeu de jeu de rôle. T'as déjà été mon DM. Dis que j'ai déjà été votre DM, et les tu deux. Tu sais personnellement que je réussis parce que je fail tellement que ça finit par tuer quelque chose. Non, c'est ça. C'est que je peux bien... Je peux avoir des monstres pas si forts, mais que vous faisiez péter ailleurs. Ouais, comme Mando qui meurt à coup de porte d'en face. Genre. Ouais. On s'appelle tous de cette game-là. On est dû pour une game. Non, c'est ça, pour voir Andrew mourir avec des portes d'en face. Mais tout oui, ça pour dire que Munchkin, j'ai été tout simplement décimé, pour répondre à la question. Et sinon, ben j'ai joué une game de Timeline. Oh! En fait, deux games de Timeline. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Timeline, on le rappelle rapidement. On pige, c'est des paquets de cartes, on pige un... Il y a des sortes. Il y a Invention, Événement, tout dépendant de... On a rejoint à Invention. De quelle version vous achetez. Là, dans le cas, c'est Invention. Donc, vous pigez une Invention que vous mettez comme référence. Puis après ça, vous en pigez d'autres. Vous en pigez 5, je pense, par main. Oui. Puis vous devez placer toutes vos Inventions sur la ligne de temps, bien évidemment. Tout le temps situé par rapport aux autres inventions qui sont mises sur le jeu. Puis celui qui finit ses cartes en premier gagne. C'est pas variation, ce jeu-là aussi. C'est vraiment pas évident. Ouais, mais c'est ça, il y a différentes versions de jeu-là qui sont disponibles. Mais tout ça pour dire que j'étais allé avec une amie. Le premier coup, j'ai joué avec elle, j'ai gagné. Je vais le dire, là. Ce coup, j'avais des inventions que je connaissais déjà les dates. Ah, genre qu'on avait vu qu'on était. Ouais, on l'avait que essayé. Je me rappelais grosso modo dans quel coin c'était. Mais là, après ça, on a rejoué. Il y avait eu une fille qui travaille justement au pub La Revanche, qui était venue faire du bénévolat lors de l'événement, qui était en pause, est venue jouer. Ben là, j'ai été battu littéralement. Là, parce que, en fait, jouer à deux, puis jouer à trois ou quatre, c'est différent parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui se mettent dans la timeline. Ben oui. Donc, c'est de plus en plus complexe que quand tu joues juste à deux. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai perdu. Puis sinon, on a joué une carte de Card Line, qui est comme l'autre série avec des animaux. Oh. Et qu'on a trois façons de jouer. Ouais, ça, j'ai demandé avec les animaux, ça fonctionne quand même. Ben, à fond, il y a trois façons de jouer. Soit qu'on les classe par ordre de grandeur. Oh, OK. Soit qu'on les classe par ordre de poids. Ou par longévité. Oh, longévité, ça va être plus... On a joué avec longévité. Ça n'a pas été évident, ça. Et j'ai gagné en faisant un jeu parfait. Oh! J'ai réussi à vider ma main sans repiger. Tout le monde a fait comme... Hein? Félicitations. Puis après ça, j'ai fait, je vais vous dire sérieusement... J'ai vraiment juste guessé. Oh, ça c'est chier pour les autres joueurs. Toc, toc, toc. Mais non, mais j'avais des cartes comme un saumon. Ah, j'avoue. T'sais, ouais. Là, t'es là, t'es les comme cours, là. Les cours d'écologie okay, secondaire là, sont là. Là, t'es là, tu regardes ça, tu fais OK, là, j'ai les baleines qui vivent dans les alentours de 70 ans. Là, j'ai une espèce de poisson-lettre qui vit genre une affaire comme un mois. ben t'es 10 mois, je veux dire. Puis après ça, t'as l'espèce de poisson qui vit 20 ans. Là, t'es là, tu la joues, puis après ça, tu fais comme « Ah, OK, bon, ben, finalement, le saumon, il vit à peu près 6 ans. » T'es genre en affaire de même. Là. T'es, tu fais comme « OK, moi, je m'attendais à 3 ans. » là En affaire de même. Fait que, bref, ça a été quand même un jeu très intéressant, même... D'accord, Eric. Excusez. Non, je vais te voir le message aussi. Fait que tout ça pour dire. T'as performé, mais. J'ai performé. Performé comme les côtelettes fumées. Non, on va dire ça comme ça. Petit inside intra-équipe. Ok, ça fait que là, t'as performé, mais juste par chance. Oui, exactement. Toi, t'as été chanceux, soit Lando. Ouais. T'as peut-être cassé ta curse. Non. On verra ça prochaine game. Je penserais pas. Mais bon, tout ça pour dire que ça a été cool. On a croisé aussi Christian, ancien chroniqueur de oui. Puissance Maximale. Christian Lacroix. Christian Lacroix, exactement, que j'y ai répété encore une fois, comme toujours, qu'il est le bienvenu et qu'on a toujours son thème oui. de chronique. All your base belong to Christian Lacroix. Ouais. Ouais, on a ça, ce thème-là. On a tout le vieux stock des Puissances Maximales. Ouais, ouais, ouais. Puis là, on est prêt à accueillir le vieux stock aussi. Ah! Oh. Chien. Non, c'est pas vrai. Il est pas si vieux que ça, Christian. Puis il a réitéré le fait qu'il sera avec nous les 5 et 6 juillet. Oui, au Geekfest qui s'en vient dans les prochaines semaines, en fait. C'est quoi ça, le Geekfest? C'est ça, dit le gars qui organise ça. Je suis dans une pub! Moi, d'ailleurs, les gars, félicitations, les pubs sont vraiment nice. Merci. Si tu veux le voir sur le Facebook de Geekfest Québec, les pubs, d'ailleurs, Endo joue un très convaincant Pac-Man. Tout à fait. J'aurais marché plus vite, normalement, mais le gars... Le gars m'a dit de marcher plus lentement. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça voir en accéléré. Ça aurait été plus réaliste. Ouais, ça aurait été malade. Mais je pense que ça aurait été trop court. Puis toi, de ton côté, Julien, pendant qu'est-ce que t'as fait pendant ton séjour aux Journées ludiques? Moi, je suis allé au dimanche. On se le cachera pas pour présenter Geekfest. Oui. Dimanche, ça paraissait une journée un peu plus familiale. Quoi qu'il faisait beaucoup plus beau, il y avait énormément d'enfants. Donc, les Journées ludiques, n'ayez pas peur d'amener aux enfants. Il y a des jeux pour les enfants aussi. Il y a même des jeux rétro pour enfants. Oui, des jeux rétro, des jeux pour enfants, des jeux pour tout le monde. Et by the way, tu seras pas surpris que King of Tokyo, il était tout le temps utilisé. Oui, ben oui, King of Tokyo. D'ailleurs, moi, j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont profité de l'offre que les gens de la revanche ont fait oui. lors d'une émission, parce que moi, j'en ai profité et mon jeu m'attend à la revanche, je vais pouvoir aller l'acheter. C'est un jeu, en tout cas, je ne sais pas si vous autres avez eu la chance, ben, Andrew, oui. Dès que je l'ai, Julien et Marc-Camille, si vous n'avez pas joué, là, on va se faire une petite partie parce que c'est très, très, très un. Il y a une case sur le plateau. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a deux. C'est vraiment pas compliqué à apprendre et c'est un excellent jeu. C'est quoi le nom? King of Tokyo. Ah, ben oui. C'est un excellent jeu. Moi, j'ai fait du magasinage juste pendant l'événement. Ben oui, tu m'as dit ça. Merci à la revanche. Je faisais beaucoup du public relation pendant que j'étais à la table toute seule. Ah, ouais. Ouais, mais ça en prend, ça, Marc-Camille, du PR. Ben oui. Mais tout ça pour dire que merci à la revanche, d'ailleurs, pour me faire découvrir des jeux. Puis aussi à la gang de l'Éjourdis. Mais j'ai acheté Pandémie. Oui. Et puis Small World, l'édition Underground, qui est une édition un peu plus complexe de Small World, qui est un peu un risque déjanté. Oui, c'est ce que je me comptais hors d'onde plus tôt cette semaine. Donc, des bons achats. Puis en plus, ben, c'était les gens à la revanche qui vendaient sur place, des bons prix aussi. Puis là, en plus, surveillez ça, là, souvent. Moi, je le repose sur la page de Puissance Maximale, mais les gens de la revanche font souvent genre le jeu de la semaine. Ils font une promo sur un jeu. Si ça vous intéresse, là, y a des jeux là-dedans, là. Des excellents jeux. Surveillez ça sur la page Facebook de La Revanche. Allez les voir. Et en plus, je vais profiter de la parenthèse Geekfest, justement. Ben oui, ben oui. Désolé pour les journalistes, genre on va revenir après là sur eux autres. Non, vas-y, vas-y. C'est un très bel événement. La Revanche, justement, vend des billets jusqu'à la dernière, quasiment dernière minute à 20$ pour le Geekfest, pour les deux jours. Puis ils vont donner un cadeau en plus, en prime, à ceux qui vont acheter leurs billets à 20$ chez eux. Donc, vous pouvez personne acheter vos billets du Geekfest à la revanche. Passer à la revanche, voir Michel et Danny parce qu'ils sont cool tout plein. Allez jouer. Parce que Michel, c'est un ancien de Puissance Maximale. En plus, aussi. En plus. Fait qu'elle a encouragé notre émission On the Side. Mais en plus, vous allez pouvoir aller chercher vos billets de Geekfest. Il y a un petit quelque chose encore, et je le répète, On the Side, pour aller acheter vos billets directement là-bas. Sinon, Journée ludique, je pense que ça a été un succès du côté de dimanche aussi, d'après ce que tu me dis. Il faisait beaucoup plus beau dimanche, on ne se le cachera pas. Ça, samedi, ce qui a aidé, c'est la pluie. Un événement intérieur, ce qui aide, c'est la pluie. C'est toujours les gens dimanche. Qui étaient là présents dimanche, il y avait deux fois plus de chances de gagner des jeux de plateau. Ils en faisaient tirer vraiment plein. Ben oui. J'en ai même gagné un, là, pour vous dire. Là. Non, c'est ça. On oublie ça aussi, mais il y a de la promo comme ça pendant les Journées ludiques. Il y a des concours. Ça fait que allez-y. Là, ça, c'est une bonne façon de dire aux gens, il pleut, il fait beau, allez, c'est pareil. Mais vous pouvez gagner des jeux. Ce que j'ai réalisé dimanche là-bas, c'est que c'est un excellent événement pour introduire les gens aux jeux de plateau. Ben oui. Vous avez des amis ou vous avez des jeunes dans votre famille ou dans votre entourage qui sont pas seulement intéressés parce qu'on est plus dans le monde du virtuel actuellement. C'est rare que je vous dise, on va sortir les jeux de plateau à soir, gang. C'est, ben, ça, c'est de plus en plus. Ça revient beaucoup. Mais genre, on est plus dans le, on va sortir les cartes manettes, jouer à Call of Duty ces temps-ci. Là. Ouais, ben de moins en moins, en fait. Moi, je te dirais que ça en fasse, là, moi, mes amis sur Facebook, c'est revanche. De plus en plus, le monde veut aller à la revanche parce que les gens en achètent pas beaucoup de jeux, mais avec des gens comme ça. Ouais, c'est ça. On ne se gâchera pas. C'est ça. Il y en a qui. C'est plus difficile un peu d'avoir une bonne idée d'un jeu de plateau que sur un jeu vidéo. Un jeu vidéo, il y a tellement, entre autres, là, l'excellente émission Puissance Maximale pour en parler, mais on parle aussi de jeux de plateau, mais c'est toujours plus difficile d'avoir de l'info. Ça fait que quand vous allez à la revanche, ça, vous testez. C'est rare, ça descend de prix, un jeu de plateau. Ça, on ne se gâchera pas. Ouais. Zombicide à 100$, il ne descendra pas maintenant en bas de 100$. Si tu veux l'essayer, tu veux. La journée du disque, c'est une occasion parfaite pour essayer ce que tu pensais peut-être acheter un moment donné. Il n'y a pas le phénomène Greta Sith dans le jeu de plateau. Non. Écoutez, mais messieurs, je pense qu'on peut conclure que les Journées ludiques de Québec ont été un franc succès. Félicitations à toute l'équipe d'organisation, entre autres Louis-Étienne Desgagnés, qui fait partie de notre équipe aussi. Évidemment, la gang de la revanche qui était sur place. Félicitations à tout le monde. Un rendez-vous l'année prochaine, au mois de juin, j'imagine encore. Ah, plutôt, ils vont être au Geekfest. Ben, ils vont être au Geekfest, en fait, pour organiser... La revanche des geeks, qui va être une version miniature de la revanche en collaboration avec les Journées ludiques, qui vont avoir une salle pour eux à jouer des jeux de plateau pendant les deux jours du Geekfest. Vous n'aurez pas besoin d'attendre on l'année prochaine. On sera là à jouer à King of Tokyo. Oh yes, cherchez les gars. Ben, nous autres, c'est sûr qu'on va être là toute la fin de semaine avec Andrew parce qu'on va faire une émission spéciale le dimanche. Mais aussi... D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on l'annonce. Hein. Plus intensif, les accros du jeu nous volent la vedette. Non, mais on va le faire là parce que là, on est à deux semaines de l'événement. Apparemment, les accros vont jouer à Catan dans la salle de la revanche des geeks. Oh! Ouais, on Big va Ben et Alpha qui veulent régler ça. Donc, moi, ça sentirait... Est-ce qu'on fait un duel on pourrait y aller puissance pour maximale contre les accros? Un all-out war, ça serait malade. On pourra s'en parler. Ben, déjà, au départ que... Ah, toi, tu te tapes contre Luduc, c'est vrai. On a une vidéo à tourner. Ah, c'est vrai. Michael, là-dessus, faut que tu m'en reviennes, là, c'était dispo. Ah, c'est vrai. Bon. Je suis tellement occupé. Moi, je suis sur le chômage depuis le mois d'avril. Je n'ai jamais été occupé de même de ma Christie de vie. Bref. Et Julien, toi aussi, d'ailleurs, samedi, si t'es disponible. moi, j'ai pas de vie. Toi, on dit fait. Bref, voici maintenant. Non, je parle de samedi. Ça vient. Oui. Les Journées ludiques de Québec, c'est terminé, mais vous allez pouvoir vous rattraper au Geek Fest. Julien, rappelle-nous les dates et l'endroit. 5 et sujet, c'est Cégep Limoilou. 25$ à la porte, 20$ en pré-vente au... à la revanche. Voilà. Ou sur le site web à 25$. C'est parti, mesdames et messieurs, pour 5 et 6. Ça s'en vient. Et M. Castagan, avant de terminer l'émission, on va pour une dernière pause musicale. Cette fois-ci, on y va avec les gens de Flogging Molly et la chanson Queen Anne's Revenge. Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Your deaf children screaming, try to stand in right behind you. Blind flames glowing, dead and growing all around you. Numbly things creeping, dead and creeping into you. You're miles from tomorrow, run away. The fire's reached starboard. Only Queen has revenge. Stolen bombs at his servant's head. I'm dancing with the madman. On the Queen Anne's revenge. I'm gone, only you came to die, babe. Walk the plank of us to seasick. It's about to only continue the curse. The wind has gone to small sandy island. With neither bird, beast, nor earth. The trumpets start beating. The sun and the flow, and the horns of the demon. Trying to decide what to do. You have to do things your own way. You have to find out the hard way. Only Queen Anne's revenge. Stolen bones and a servant's head. for you. On the queen has revenge. The skull and bones and the serpent's head. I'm dancing with the madmen. On the queen has revenge. On the queen has revenge. The skull and bones and the serpent's head. I'm dancing with the madmen. On the queen has revenge. Have a call with your demons and queens. Have a call with your demons and queens. Have a call with your demons and queens. Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Et voilà, de retour à puissance maximale après Flogging Molly et Queen Anne's Revenge. Et mesdames et messieurs, pour terminer l'émission, on va y aller en nouvelle ludique. Et monsieur Castegan, bien évidemment, quand on parle de nouvelle ludique, on parle aussi de Saviez-vous que... Oui! Ben vas-y. C'est tout. Non! Saviez-vous que The Legend of Zelda Ocarina of Time sur 3D... 3DS, sur je veux dire, 3D. Excusez. En fait, la version 3D. Ouais. N'a subi uniquement qu'un lifting graphique pour la 3DS, mais que tous les glitches, tous les bugs, tous les défauts qu'il y avait dans la version originale 64 n'a pas été corrigé. Ah ouais? Par simple principe que Nintendo voulait que ces bugs-là restent pour que le player vive exactement la même expérience sur les deux versions du jeu. Je trouve ça cool, ça, moi. Pourquoi pas? C'était quoi les glitches qu'il y avait, entre autres, la version? Ben, il y avait une façon de faire apparaître un Air Wing dans le Kokiri Village, le Air Wing de Star Fox. Puis aussi, il y avait... What? Oui. Pour vrai? Oui. Ah, je vais aller voir ça sur Internet en arrivant chez nous. J'ai sûrement du monde. Ben, en fait, c'est à cause que le dragon, là, ouais. Son pattern est basé sur les trajets que les Air Wing fait dans Star Fox 64. Ah, ouais. On va vraiment me coucher mon niaiser à soir. Je vais aller checker ça. Ah, ouais. Ben, calvasse. Puis on peut le refaire encore aujourd'hui sur version 3DS. Ouais. Ben, c'est le fun, ça. Mais, tu sais, de base... Je trouve que c'est un bon flash. Quand on parle de rétro gaming, on parle de nostalgie, tu sais, quand on fait des versions comme ça, pourquoi pas? Tu sais, je dis pas ça aurait été complètement une nouvelle version, revampée, un remake total. Tu sais, dans ce cas-là, c'était un portage. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas garder les bons vieux bugs et glitch? On parle pas de Star Wars revisité par George Lucas avec les éditions remasterisées. Non, c'est ça. On parle pas de ça, vraiment. Non. Ça fait que, non, on était déçus de ne plus avoir de bibitte animatronique en latex. Et Vader qui perd toute crédibilité en faisant no! Non, c'est pas les remakes, ça. On non, ils l'ont remis dans la version Blu-ray quand il tire l'empereur dans le chef de ventilation. Tu me niaises? Oui. Non, je niaise pas. Oh, c'est vrai. La scène était très bien comme elle était. Silencieuse, tu vois le conflit. Là, il faut qu'il rajoute no! À le pitcher comme un gros épat. Ah non. Déjà au départ que tu as remarqué tous les défauts sur le ça costume. Asseoir, là, Julien, tu me fais chier. Shaquille O'Neal en Man of Steel, Slider, puis maintenant ça. On fera un spécial à un moment donné, émission de marde. Non, c'est ça, toutes les mauvais maintenant, souvenirs. Sais-tu qu'est-ce que moi j'ai ressenti hier quand il a posté la photo du Shredder sur mon Facebook? Presque. C'est pas un mauvais souvenir, ça. C'est l'annonce d'un désastre annoncé. On dirait un Transformer avec des couteaux tapés dessus. Ouais, non, on en parlera tantôt, tout le monde, parce que là, présentement, c'est l'heure des... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux nouvelles ludiques de puissance maximale. Andrew Castegan est à 2 mètres de moi. Andrew, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que la réception est bonne en studio? Il semble avoir un décalage. Tout à fait, Andrew, on vous entend très bien. Qu'avez-vous à nous dire? Oui, ben des nouvelles ludiques, monsieur. Encore provenant du E3, bien sûr. En fait, le jeu est très macabre et violent de Suda 51, Let It Die. Oui. Premièrement, savais-tu que c'était un jeu free-to-play? Pour vrai? C'est un peu troublant, cette histoire-là. Ben non, c'est un jeu free-to-play. En fait, le but du jeu, parce qu'il y a eu un petit peu plus de détails qui sont sortis sur le jeu, en fait, le principe, c'est que le joueur va commencer une partie pratiquement nue, avec une simple chemise sur le dos. Il va devoir se battre pour récupérer des armes et progresser en niveau contre des adversaires de plus en plus puissants. S'il meurt, son personnage deviendra alors un ennemi dans la partie des autres joueurs. Ah, c'est cool, ça. Fait que dans le fond, quand que vous allez tuer des gens, c'est des gens qui sont morts. C'est pas un peu comme Zombie U? Ben, c'est le principe est que ton personnage dans Zombie U va se transformer en zombie. Et que tu vas c'est ça, tirer dessus plus tard. Mais là, c'est pas nécessairement toi qui va retomber dessus. Là. Ça peut être avec d'autres mondes, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça. Puis les développeurs insistent pour dire que le jeu va être gratuit et que le jeu ne proposera aucune arme à la vente pour ne pas fausser l'équilibre entre les joueurs. OK. En fait, ce que je trouve troublant, parce que c'est un jeu, on vous le rappelle, on en a parlé la semaine passée, assez violent et assez gore. Que ce soit gratuit, on dirait que je suis comme moins à l'aise tout d'un coup. En tout cas, on verra bien. Mais bon, vous avez un peu plus de détails sur le jeu. Voilà, c'est dit. Autre nouvelle, M. Castigan? Resident Evil, le prochain film de Paul W.S. Anderson, sera son dernier. Une chance. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais je ne crois pas. Le pire, c'est qu'il y a des gens... Moi, je suis de plus en plus de YouTubeurs critiques de cinéma. Un gros fan du fossoyeur de films. D'ailleurs, si vous n'en avez pas regardé aucune, jetez-vous là-dessus. C'est très intelligent. J'écoute aussi un peu le cinéma de Durandal, qui est un autre critique français, qui... Fouillez-moi pourquoi. Ben, moi, j'écoute ses explications. Il a fait une série complète sur la série de films Resident Evil, puis il adore ça. Le premier était bien. Les autres, C'est ça. Mais lui, il trippe, mais je comprends pas pourquoi. J'ai beau écouter ce qu'il dit, je fais non. Fait qu'on est rendu quand même à 6 films, là. Mais tu regardes, ils vont arrêter le réalisateur, ils arrêtent, ils vont prendre un autre réalisateur, ça va être la même chose. Ben, je me semble que c'est pas lui qui les a toutes réalisées. Mm-hmm. Genre, la majorité, c'est lui. Il me semble qu'il y en a un ou deux, c'était pas lui. En fait, il est réalisateur de Resident Evil, Resident Evil Afterlife et Resident Evil Retribution. C'est ça. Ouais. Au moins le premier. Il a fait 4 sur 6. Non, c'est pourri. C'est pourri. Pas un sixième. Mais il dit que ça va être le dernier? Ouais. Il y a un dieu pour nous, mais parce qu'il s'est fait offrir d'autres adaptations de jeux vidéo. Non! Oh! Attendez un peu. Non! C'est pas lui qui avait fait Silent Hill? Non, c'est pas lui. On va espérer que non, effectivement. Ça pourrait être pire, ça pourrait être Evil. Genre. Mais bon. Mais c'est tout. Pas, c'était la bonne nouvelle. C'est pas mieux. Mais la nouvelle triche, je pense. Non. Sinon, une autre nouvelle. Rapidement, Andrew, l'émission se termine. Ah, mais il faut faire un petit débordement pour le shredder. Mon Dieu. Vas-y. OK. Je pouvais pas passer à côté. Après Goat Simulator. Ah! Bear Simulator. Maman! Il y a un jeu qui s'appelle Mountain, qui est un simulateur de montagne, mesdames et messieurs. Wow! Dans le fond, le concept du jeu, c'est dans Mountain, vous êtes une montagne et vous faites ce que les montagnes font. En d'autres mots, c'est un simulateur où vous regardez de la végétation pousser et votre montagne subir les climats. Vous savez, à puissance maximale, on essaie de défendre les univers geeks, les nuances qu'on y retrouve et la diversité. Mais ça, c'est trop. Puis, moi, je peux pas défendre ça. Puis, il se vend à moins de 1$ et le créateur du jeu dit qu'on a le droit à au moins une cinquantaine d'heures de jeu. Tu sais, t'as des jeux comme Let It Die ou tu sais... Il y a quelque chose, là, un mini... Tu sais, c'est violent, mais tu sais, il y a quelque chose. Ça me fait penser qui est gratuit. Ça, faut payer! Ouais. Mais ça fait penser au fond d'écran que les poissons qu'on avait dans le temps. Il fallait payer pour l'avoir? Ouais. Non, c'est ridicule. Oh, ouais, c'est le même, exactement la même affaire. Ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde mes plantes pousser, man. Puis les graphiques sont vraiment d'une qualité next-gen incroyable, là. Il faut que je me lève, là, pour voir ouais. ça. Ouais, ouais, mais non, mais je veux ta réaction. Je veux ta réaction. Envoyez-moi le lien, je me lève pas pour ça. Non, mais là, à un moment donné, là, je vais pas être professionnel, là, mais... Hey, Mountain, c'est... J'invite d'ailleurs Julien à aller regarder ton écran. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça ira pas bien après que j'ai vu ça, là. Donc, Mountain... Ah, mon Dieu! C'est... Oh, mais lunette. On dirait un dessin sur Paint. Je me passe le commentaire. Je prends la prochaine adaptation d'un titre geek par Michael Bay. C'est bon. Mountain Simulator by Michael Bay. When the mountain take over, what the American army will do? Ouais, mais il est possible. Story about humans. Ouais, mais il est possible de jouer des mélodies aussi dans ce jeu. Ben écoute, Andrew, t'as pas mettre une autre nouvelle? Tu veux une vraie nouvelle? Bon, regarde, on va parler du Shredder pour terminer cette émission. Ben sinon, je peux dire que le film de Sonic est confirmé, puis à voir Sonic Boom, je m'attends pas à mieux du film. On a une excellente joke là, qui nous vient d'Alexandre Cyr des deux snooze. Mountain Simulator Simulation 2, The Erosion. Puis le 3, c'est Son of the Erosion. Non, c'est ça, ça pourrait être... Et le 4, c'est In Space. Mountain Simulator In Space! Toujours bon à rajouter. Écoute, Andrew, là, on a parlé souvent là, des en fait un peu trop à mon goût de la Christie d'adaptation des Teenage Mutant Ninja Turtles qui s'en viennent. On a même parlé pendant le secteur 51 avec Manu tantôt. Là, t'es pas content à cause de l'image qui est sortie du character design de Shredder. Il ressemble à un Decepticon. Effectivement. Attends, je vais dire de quoi? Somebody pick up that phone because I fucking called it! Ouais, c'est... J'avais dit que ce serait un tas de dump. Ben ouais. Moi, t'sais, de toute façon, moi, je me prononce... Puis il ressemble à des vidanges. Moi, je me prononce jamais avant avoir vu un film. Hey, c'est un car wreck annoncé, cette affaire-là. Je me prononce jamais avant d'avoir vu un film, mais... On parle de Michael Bay. C'est ça. La tendance se maintient. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme on parlait de nouvelle Assassin's Creed, des belles promesses, mais c'est Ubisoft. On parle du gars qui a pas été capable de commander Transformers. Comment tu veux qu'il comprenne Ninja Turtles? C'est comme je dis souvent, quand t'es pas fan de Transformers à la base, puis que tu veux voir juste gros film d'action, on va le mettre en perspective. Tu peux être attiré par les films de Transformers, mais le moindrement que tu as touché à la mythologie, on va appeler ça comme ça, la mythologie autour d'eux. Non, c'est pas un fan de Transformers. La seule chose qui t'attire, c'est les boobs de Megan Fox. Oublie ça. C'est sûr que ça aide. C'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est le gars, OK, c'est pas compliqué, Transformers. Bon robot, méchant robot, piou-piou. Piou-piou. Quelques humains à travers, mais pas trop. Mais quand t'entends, la vie de collège, du petit gars, puis la vie de ses parents, puis l'agent secret, puis les 50 gars d'armée qui sont là-dedans, où c'est que tu vois à peine les Transformers au bout de la ligne, puis que les trois Transformers les plus importants de l'histoire, disent trois phrases chaque. Puis comme disait aussi Honest Trailer, il disait c'est comme voir deux junkyards faire l'amour quand ils se battent parce que tu sais pas trop sûr de qu'est-ce qu'ils fassent quoi. Les designs des robots sont dégueulasses. Tu vois, moi j'aime beaucoup. Caméra à l'épaule, la maudite caméra à l'épaule. C'est pas juste Michael Bay, là, mais. Ah, c'est surtout lui. Écoute, tout ce qui est character design, moi je dis tout le temps aux gens, si vous voulez avoir quelque chose de bon, allez vers les jeux des Transformers qui sont sortis dans les dernières années. Fall of Cybertron, puis War for Cybertron. Non, tu vois, c'est des bons character design. Tu vois comment faire un bon film Transformers avec l'action qui se peut, Pacific Rim. Oui, tout à fait. T'es dedans. Tu sais, je veux dire, c'est le même genre de film que Michael Bay, mais bien fait. Ouais, mais gars, on va laisser le micro à Andrew pour qu'il puisse chialer. J'ai pas de mots. C'est impossible. ça se dit pas à radio. C'est juste trop. Mais de toute façon, en tout cas, moi je chiale jamais sur Facebook. Je chiale jamais sur une adaptation avant de l'avoir vue. C'est juste que pour le design, effectivement, j'ai pas le choix d'être d'accord avec vous autres. C'est très laid. J'aime vraiment pas ça. Mais remarque, tu vois le costume un peu boboche des années 90 avec les anciens films. C'est pas le genre mieux, mais tu dis c'est les années 90. Kevin Nash en Super Shredder dans le 2. Tu fais... Mais non, mais tu sais, je l'ai posté le design actuel de Shredder dans les BD et tout ça. C'est correct, tu sais, c'est simple. C'est le gars est en soute avec puis des griffes. Puis, ce genre de cinéma-là, c'est tout le temps over-the-top action. Puis quand on dit over-the-top action, c'est tout le temps over-the-top tout dans le film. Je veux dire... Marvel puis Warner Bros. Avec DC ont réussi à faire des designs de super-héros qui se peuvent. On oublie Thor là-dedans? Non, je disais, mais en fait, le linge Thor n'est pas genre, a pas l'air genre de, je sais pas, de sortir. Ben, le stock a l'air d'être en plastique, mais bon. La limite, c'est comme, ça a pas l'air d'un gars avec des couteaux de duct tape dessus. Non, ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, c'est comme. Des griffes de ninja, ça existe. Là. Pourquoi des couteaux militaires comme strappés? Pourquoi? C'est pas strappé, c'est duct tapé. C'est comme tu prends un gars, tu duct tapes des couteaux à grandeur. C'est ça le Shredder. Michael Bay se nourrit de la déception de ses fans. Tout à fait. Non, c'est ça. Tu nourris de vos enfants violés. Je vais dire, le pire dans tout ça, là, c'est que je vais dire la chose suivante. Marcus a raison. Michael Bay, c'est un génie finalement. Parlez-en mal, parlez-en bien. C'est pas ça. C'est que même s'il sort les pires dompes, il fait un succès au box-office pareil. Puis il fait de l'argent comme de l'eau. Mais là, ce qu'on doit... Qu'est-ce que ça dit au niveau du reste de l'humanité? D'où pourquoi? Qu'il y a de l'argent pour en faire d'autres. Mais en fait, je veux dire, de base, l'audience générale, les gens qui vont au cinéma en général, tu sais, je veux dire, il se fait d'excellents films au Québec. On se demande pourquoi le cinéma québécois va mal. Je veux dire, tu sais, la culture cinématographique générale est pas super. Tu sais, le monde n'est pas super. On va dire, oh, le bon mot, le culturé au niveau cinématographique. Donc, tu sais, ça rentre là-dedans aussi. Puis Michael Bay, pow, pow, bang, bang, des explosions, des belles filles, ça règle le problème. Il y a bien du monde qui se contente de ça dans la vie. Là. Je veux dire des affaires par rapport à Michael Bay. Il y a deux trucs. Un, il fait un peu ce que moi, je trouve que le monde reproche à Pelado de faire. Disant, oh, il abrutit le Québec avec le. C'est... Non, non, Pelado, il vend aux Québécois ce qu'ils veulent. S'ils veulent tout à fait, oui, c'est ça. Ils vont acheter de l'écrapou. Ils ne peuvent pas avoir de l'intelligence s'ils n'en veulent pas. Si ça se vendait pas, ils en feraient pas. Michael Bay, fait la même affaire. Michael Bay, le monde, les explosions des pitons, puis de l'armée, il va leur vendre des pitons, des explosions des mains, puis les studios vont le financer ben pour oui. ça. L'affaire qui me dépasse un peu sur Michael Bay, par contre, c'est que dans les dernières années, ça a été prouvé que les gens ne veulent plus des blockbusters, pas d'histoire, que juste l'explosion dedans. Bref, G.I. Joe, les deux sont pété la gueule. Ouais. La plupart des films du genre Piu-Piu, dans le genre Michael Bay, sont pété la gueule depuis que Warner puis Marvel ont sorti des films un peu plus intelligents. Depuis qu'Harry Potter a fait des films à effets spéciaux plus intelligents, des films avec des histoires, des gros effets, des gros budgets. Depuis que ces films-là sont sortis, ce règle-là du « mets des explosions, ça va passer » ne marche plus, à part pour Michael Bay. C'est le seul qui survit à ça. Je ne comprends pas. On le comprendra jamais. Mais c'est parce qu'aussi, à cette heure, le cinéma, c'est le parent pauvre. La télévision, on regarde Game of Thrones au budget qui dure. Les séries télévisées, c'est le nouveau médium par où on doit passer. D'ailleurs, Game of Thrones en cinéma, oubliez ça. Là. D'ailleurs, je vais le mentionner. Chez tous les disquaires, les seules affaires qui sont en gain, c'est les ventes de séries télé. Ah oui. Tout est en perte, sauf les ventes de séries télé. Le monde achète parce qu'on a des heures et des heures avec enfin des personnages qui se développent, des histoires qui... qu'il y a de la viande autour. Puis encore là, c'est un peu le phénomène de tu peux plus faire un film d'explosion puis espérer que ça passe parce que les séries télé font des affaires tellement finies avec du développement que tu peux plus faire au cinéma ce que tu faisais il y a 10 ans avec Arnold qui arrive qui pète la gueule à absolument tout le monde. Tu sais pas vraiment pourquoi il le fait. Tu peux le faire, ça s'appelle The Expendables. Ouais, puis Gal 2 s'est pété la gueule. Ouais, mais c'est des bons films pareil parce que c'est ce qu'on appelle du cinéma de genre. C'est affirmé, on sait que c'est de la dompe, c'est assumé à fond. Là. Eux, ils s'assument au moins. C'est mais, ça. Encore une fois, le deuxième, il n'y a pas ce qu'on répète. Non, c'est sûr, parce que maintenant... Le premier, c'était drôle. Le deuxième, c'est qu'on genre basse comme répétait la même chose. Est-ce que tu te demandes, est-ce que le tank, pour faire la promotion d'Expendable 3 à Cannes, ça avait sa place? Oui, tout à fait. Ça va être celui d'Arnold. Écoutez, mesdames et messieurs, ça va vite. L'émission est déjà terminée. On en parle de tout ça. Michael Bay... J'espère pour toi que ton film des Tortues Ninja sera pas si pire parce que moi je connais un roux qui va me passer un 2 heures d'émission juste là-dessus, mais que ça sorte. Parce qu'Andrew, bon, non, c'est pas vrai, Andrew il ira pas le voir au cinéma, moi non plus d'ailleurs. Non, je vais le dire, là, même si ça a des impacts, c'est le film que je vais pirater. Ouais, c'est ça. Et j'aurai aucun remords de conscience. Moi j'ai ma théorie, j'appelle. C'est quelqu'un de la GRC qui écoute actuellement et ils m'écriront pas grave. Andrew, j'ai la théorie que j'appelle la théorie Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Ce film-là est tellement mauvais que tu peux pas l'acheter puis l'écouter. Faut que tu l'écoutes, t'as pas le choix. Tu vas le pirater par exprès, puis après ça, juste parce que c'est tellement de la dompe, tu vas faire l'effort physique de le graver pour physiquement le tout tirer au vidange et le mettre en tout feu. À fait. Sauf que moi, non, je parlais là, moi, je l'ai juste pas écouté et je ne l'écouterai jamais. Voilà, mesdames et messieurs, après cette discussion enflammée sur les adaptations de Michael Bay, c'est comme ça que Puissance Maximale se termine. Je tiens à remercier Mme Chantal Campagna qui était là en début d'émission pour nous parler de jeux de plateau, jeux de société. Merci beaucoup, Chantal. Je veux remercier M. Julien Materne et Mme Camille Carrier qui était là. Ça fait plaisir. Ils ont parlé de comic book. Dire salutations à Mathieu, à Galarno et à Nicolas qui étaient là pendant l'émission, qui sont venus nous jasouiller comme ça pendant le studio, qui voulaient voir un peu ce qui se passait aujourd'hui à l'émission. Et bien évidemment, M. Andrew Castegan à la console, au téléphone, au micro, au travail, partout. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, je n'aurai pas de choses personnelles et professionnelles à gérer. Et voilà. Et mon nom, moi, est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous par les jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur le site pour écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. Allez sur le Facebook, appuyez sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et on n'a pas pu faire le tirage pour la semaine dernière aujourd'hui parce qu'on était vraiment... Ça bougeait pas mal dans le studio. Je fais ça tantôt et on met ça sur la page Facebook de Puissance Maximale pour le concours de la semaine passée. Et voilà, c'est dit. Et je vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu! Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.